que moi j'avais vu 19h30 sur le site. Hein. Je pense qu'il est apparemment. Oh, mais c'est vrai, par exemple, ici j'avais mis exposé à conséquence 19h30 à 21h30. Mais sur la page de Facebook c'était 19h30. Mais tu l'as noté sur ton truc à toi ou sur. Non, en fait, je vois que le mail qu'on fait nous envoyer, c'était 19h30. Mais sur la page de Facebook, sur le mail qu'ils ont envoyé à tout le monde, c'était 19h30. Mais attendons jusqu'à 19h30. Vous avez regardé le débat? Non, mais tu l'as regardé, c'est pas ouais, en fait, c'est ça, en fait, une bonne partie de l'activité politique, c'est de juste perdre ton temps avec des choses en trop. C'est dans le monde et après, c'est quand même c'est dans ce monde que tu fais des choses. Apparemment, ils étaient tout à fait jeunes, mais ils ont changé. Je pense qu'on a elle était forte. Franchement, elle était plus forte. Avec un discours parfaitement gauche, raciste. Non, mais je veux dire que le concept que le thème soit meilleur en termes de Macron, c'est surprenant. Ah, bah, ça... Mais par contre, qu'elle. J'attends le deuxième thème, Macron Le Pen. Macron sera, oui, à un moment donné. Je pense que c'est ce qu'elle doit absolument, ça sera un deuxième tour, qu'elle le présente comme justement le candidat de, monsieur, des entreprises internationales, etc. Honnêtement, quand même, parfois elle disait des choses qui. Je pense que si j'étais français un peu marginalisé et tout, ça m'aurait quand même touché un peu de trop. Sur les marginaux, les fous. Moi, je suis déçu par mon fasciste. Je voudrais que le fasciste de l'autre qu'elle était. Il ne produit pas du bon fasciste. Oui, au contraire, je ne sais pas. Je pense qu'elle est très intelligente. Justement, c'est un fasciste qui connaît son histoire, qui sait comment jouer avec les mots, comment dire ce qu'il se fait. C'est un fasciste. Il arrive à. Moi ça va si je vais aux toilettes après tant. Non, Christina, tu n'as pas le droit d'aller aux toilettes. Thank you. quand vous voulez, on peut attendre si vous voulez qu'on attende un peu plus de temps. On peut attendre peut-être 3-4 minutes de plus. T'as pris tes vieilles habitudes basques à Diou ? Non, Diou c'est le 7 septembre. Ouais, c'est à Diou. À Diou, t'as la petite. Diou ou Abour aussi. Hein. Ah, il a eu un attentat à Londres. Ouais, un mec a tiré. Enfin, on voit les mauvais élèves. Un mec c'est syrien ? Non, mec a tiré. Oh, qui a tiré, un tir, ok. J'en mets la porte. Je pense que ça va aller maintenant. Combien de temps ? Non, c'est juste que franchement, 12 pages, c'est quand même le détail historique. Je me disais si j'en parle. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est difficile pour les gens de suivre. Bien sûr, oui, oui, oui. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, nous allons inviter, nous avons invité Sina Badieye. Voilà, un ami de conséquence qui vient souvent au séminaire, qui illumine le séminaire par ses interventions toujours pertinentes. Donc Sina Badieye est un militant iranien et un philosophe. Il fait actuellement une thèse avec Emmanuel Barraud et Alain Badiou sur les conditions épistémologiques de la philosophie politique, ce qui le conduit à développer notamment une nouvelle lecture de Marx, d'Althusser et de Badiou. Mais aujourd'hui, Sina va intervenir sur un événement historique majeur du XXe siècle, un événement souvent méconnu en Europe quand il n'est pas entièrement ignoré, à savoir la révolution iranienne de 1979. Alors, la révolution iranienne, c'est la révolution qui va abattre en moins de 2 ans le pouvoir du Shah, une révolution populaire où vont se retrouver des forces sociales très diverses, ce qu'on oublie un peu aujourd'hui, qu'il s'agisse de la gauche iranienne dans toutes ses composantes, depuis la social-démocratie jusqu'aux positions les plus révolutionnaires, mais également aussi les forces religieuses, et notamment l'ayatollah Khomeini. La révolution iranienne est un phénomène politique capital dans notre histoire récente. Elle marque la fin de l'opposition binaire entre les deux blocs et d'une certaine façon le début de la fin de la guerre froide, et elle va entièrement modifier les rapports de force régionaux jusqu'à nos jours, qu'il s'agisse du conflit israélo-palestinien et de la guerre au Liban, et plus proche de nous, la guerre en Syrie ou la guerre au Yémen. Et c'est pour toutes ces raisons que nous voulions inviter Sina, et nous le remercions d'avoir accepté cette invitation et nous éclairer sur cet événement historique. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je prends ça ou je prends... du coup, merci vraiment beaucoup pour. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Je suis très content de pouvoir parler de cet événement historique qui est souvent vraiment très ignoré, voire méprisé parfois, en fait, pour des raisons extrêmement disparates. Et je m'excuse dès le début, en fait, du fait que je vais plutôt lire, parce que c'est juste que le français n'est pas ma langue maternelle. Du coup, quand je parle spontanément, je suis susceptible de vraiment commettre beaucoup de fautes. Du coup, comme ça, quand j'écris, c'est plus sourd. En fait, au cas où je lisais un peu trop vite, n'hésitez pas à m'interrompre pour me dire que je devrais lire un peu plus lentement, s'il vous plaît. En fait, le titre de mon exposé est « La révolution iranienne de 1979, pourquoi être matérialiste ne suffit plus ?» Du coup, la première partie d'exposé porte sur la révolution iranienne de 1979 et la deuxième partie serait plus philosophique, pour ainsi dire, et qui traitera justement la question du matérialisme et le rapport entre ce matérialisme dont je vais parler et la révolution iranienne. Et du coup, là, je commence à lire. est-ce que je vous m'entendais bien? C'est bon? C'est bien comme ça? Ok, très bien. Du coup, avant d'entreprendre l'analyse que je voudrais vous présenter de la révolution iranienne de 1979, j'aimerais préciser un point qui me paraît très important. J'ai l'impression que dans le débat actuel au sein de la philosophie politique radicale, surtout au niveau dit académique, il est possible de constater un manque d'attitude critique à l'égard des autres positions. Certes, on peut dire que dans le domaine des pensées politiques, on ne peut jamais dépasser la conflictualité qui est propre à ces pensées, et que par conséquent, prétendre critiquer une position qui diffère de la nôtre, au lieu de posséder une idée satisfaisante, atteste soit d'une naïveté qui croit pouvoir transcender les conflits politiques, soit d'une animosité psychologique à l'égard de la personne dont la position est critiquée. Et que ces critiques n'est en réalité qu'un reproche psychologique déguisé en critique philosophique. Mais quant à moi, tout en étant conscient du caractère problématique et très limité de ma propre position, j'aimerais soutenir l'idée que l'attitude peu critique que je viens de décrire, si elle devient totalement dominante, pourrait avoir des ramifications désastreuses pour la lutte de l'humanité, pour l'émancipation et pour la justice. Je pense que les idées politiques, entendues correctement, comptent et pouvoir avoir des conséquences très importantes. Ainsi, il est important de les critiquer brutalement et d'être sûr que jamais une idée ne sera présentée sans qu'elle soit suffisamment scrutée et critiquée. Car ces idées peuvent marquer la vie de beaucoup de gens. Et il faut veiller à ce que jamais une idée apparemment innocente, mais potentiellement dévastatrice, ne puisse échapper à notre critique. Car une idée juste, si elle est vraiment juste, saura se défendre. Et critiquer fortement les idées politiques est la seule manière de permettre à une idée ou aux idées véritablement justes de se démarquer de celles qui ne sont justes qu'en apparence. Je vous donc prie de bien vouloir critiquer tout ce que je vous dis ici ce soir. Soyez impitoyables dans vos critiques à l'égard des idées que je vais vous présenter. N'hésitez pas à être très franc dès que vous sentez que quelque chose ne va pas avec ces idées. Impitoyable dans nos critiques des idées, mais bienveillant et gentil à l'égard des aspects psychologiques des unes et des autres, telle est, me semble-t-il, la condition nécessaire, bien que pas suffisante, pour faire sortir la gauche communiste de son impasse actuelle. Après cette remarque préliminaire, je passe désormais au vif de mon exposé sur la révolution iranienne de 1979. Dans cet exposé, je m'inspire beaucoup de l'analyse faite par Alain Badiou de la révolution culturelle chinoise. Badiou considère que nous sommes aujourd'hui les contemporains de cette révolution et qu'en un certain sens, c'est l'événement historique à partir duquel nous devons penser notre contemporanéité. Cette attitude chez Badiou est liée au fait que selon lui, la révolution culturelle chinoise marque le moment où la tentative la plus sérieuse a été faite de trouver une nouvelle forme d'organisation politique. Badiou pense que la forme léniniste du parti avait été proposée par Lénine suite à la répression brutale de la Commune de Paris. Mais qu'après la création des premiers États socialistes au XXe siècle en Russie et en Chine, la limite de cette forme particulière d'organisation politique s'était manifestée. Cette limite était surtout liée, selon Badiou, à l'absence du terme « peuple » ou « masse » dans la conception politique qui sous-entendait cette forme. Autrement dit, on n'y avait affaire qu'à deux termes, l'organisation et l'État. Et après que les partis communistes s'étaient emparés des appareils d'État, on n'arrivait plus à penser une dialectique, un mouvement, un devenir au sein de cette forme d'organisation, car on y faisait face à une seule entité, parti-État. La nouveauté de la révolution culturelle chinoise réside en ceci quand un nouveau terme s'est manifesté, l'organisation des masses, ce qui a permis de réintroduire une dialectique à l'intérieur d'un État socialiste, à savoir la Chine. Durant la révolution culturelle chinoise, on avait donc trois termes, le parti-État, l'État et les organisations de masse. La révolution culturelle chinoise est donc, pour Badiou, l'événement politique contemporain le plus important pour nous, car c'est là où est née cette idée de l'organisation de masse. Une organisation qui est différente du parti léniniste, en ceci que son objectif n'est plus de s'emparer de l'appareil d'État, mais qui vise au contraire à créer une politique nouvelle en travaillant directement auprès des masses. Pour plusieurs raisons dont l'analyse a été faite par, d'une part par Badiou lui-même, d'autre part par le penseur chinois Jiang, dans le livre brillant qui s'appelle « La commune de Shanghai », la révolution culturelle chinoise a échoué à créer des formes organisationnelles à la hauteur du but qu'elle s'était donnée. Ainsi pour Badiou, la singularité de cette révolution n'est pas située au niveau de ses réponses, mais au niveau des questions qu'elle a faites naître et des objectifs qu'elle s'est donnés, même si les réponses données par cette révolution étaient très insatisfaisantes. Je tâcherai dans cet exposé de montrer que même si au niveau de la forme d'organisation politique, la révolution culturelle chinoise est sans doute un événement très significatif, à un niveau plus fondamental, elle n'a même pas posé la question la plus essentielle. Et que sur ce point, elle ne différait pas beaucoup de la révolution russe de 1917. J'essaierai de montrer que la révolution iranienne de 1979 est un moment historique singulier où cette autre question fondamentale s'est manifestée de manière explicite et qu'ainsi elle doit constituer le point de départ de toute politique juste digne de ce nom. Mais avant de présenter ce point en détail, j'aimerais vous présenter brièvement les moments les plus importants de l'histoire contemporaine de l'Iran. Le premier événement politiquement... Du coup, pour l'instant, je vais juste vous parler pendant, disons, 10-20 minutes des événements historiques les plus importants de l'histoire actuelle de l'Iran, disons contemporaine de l'Iran, surtout au XXe siècle. Du coup, le premier événement politiquement remarquable... Par ailleurs, je ne lis pas très vite, non? Ça va? Très bien. Le premier événement politiquement remarquable de l'histoire contemporaine de l'Iran fut la révolution constitutionnelle contre le règne despotique des chars de la dynastie Qajar. Enfin, je dois le dire en persan, ça passe pas en français. Qajar, c'était disons la dynastie du coup qui précédait la dernière dynastie avant la révolution, qui s'appelait la dynastie Pahlavi, la dernière. Cette révolution constitutionnelle commença en 1905 et dura jusqu'en 1911. Elle eut pour conséquence la fondation d'un parlement en Iran pour la première fois. Avant l'apparition de ce mouvement, qui était largement libéral et inspiré par les idéaux des Lumières, l'Iran avait été partagé en deux et donc dominé par deux grandes puissances européennes, la Russie au nord et l'Empire britannique au sud. Cela faisait qu'aucune de ces deux puissances impérialistes ne voulait accepter qu'un parlement indépendant soit établi en Iran, car un tel parlement aurait rendu beaucoup plus difficile la signature de contrats économiques injustes avec les rois, les chars. Chars, du coup, le terme persan pour désigner roi. Vous voyez, du coup, désormais, au lieu de dire roi, je dis chars. Avec les rois ou chars corrompus et despotiques de la dynastie Qajar. La révolution constitutionnelle s'est donc terminée par le bombardement du parlement iranien par les soldats russes, ce qui ouvrit une période de répression très brutale par les forces russes contre tous ceux qui s'exprimaient contre la terreur du roi, c'est-à-dire du Shah, et surtout celle des Russes. Il est établi aujourd'hui que si la révolution d'octobre de 1917 n'avait pas eu lieu en Russie, l'Iran aurait pu être divisé, voire partagé totalement, en au moins deux parties. La partie au nord, contrôlée par les Russes, et la partie au sud, contrôlée par les Britanniques. Suite à la révolution d'octobre, la Russie se retire de l'Iran. Ce qui fait que, de 1917 jusqu'au milieu des années 40, l'Iran fut sous l'influence totale de l'Empire britannique, même si, entre-temps, la dynastie Qajar avait été remplacée par la dynastie Pahlavi et son roi moderniste et laïciste Reza Shah. Pourtant, même si ce dernier s'était fait le char de l'Iran en s'appuyant en partie sur le soutien des Britanniques, il essaya, au cours de son règne, de se distancer de plus en plus des Britanniques pour se rapprocher des Allemands. Une raison de ce changement était liée au fait qu'il avait implémenté une politique anti-religieuse, de sorte que son gouvernement obligeait les femmes, par la force physique, de ne plus porter de voile. En vous de les libérer des dogmes religieux et en suivant le modèle d'Atatürk en Turquie. Il essaya donc de propager le nationalisme iranien comme une idéologie nouvelle afin de combler le vide laissé par la religion. Et ce nationalisme, vu que les Perses, les Iraniens, sont censés être de la race dite aryenne, résonnait bien avec le nationalisme que Hitler était en train d'introduire en Allemagne. Cependant, durant la Deuxième Guerre mondiale, les Britanniques et les Russes ont de nouveau occupé l'Iran afin d'empêcher tout rapprochement entre l'Iran et les Allemands, mais aussi pour assurer l'accès des Britanniques au pétrole, au soud, ainsi que faciliter la livraison des armes aux forces soviétiques qui étaient en train de se battre contre les Allemands en Russie. Les Alliés, du coup, remplacèrent ensuite Reza Shah par son fils, Mohammad Reza, le dernier Shah ou roi de l'Iran, expulsant le premier, ça veut dire le père, en Afrique du Sud. Et Reza Shah, il est mort en Afrique du Sud en exil. Ainsi, vu le rôle que jouaient les impérialistes britanniques au sud de l'Iran, à partir de la découverte du pétrole en Iran en 1901 jusqu'à la fin des années 40, l'industrie pétrolière iranienne appartenait presque exclusivement aux Britanniques. Cependant, vers la fin des années 40, plusieurs courants politiques ont commencé à contester ce contrôle impérialiste. Ainsi naquit le deuxième mouvement remarquable de l'histoire contemporaine d'Iran, la nationalisation de l'industrie pétrolière. Ce mouvement était composé d'une alliance entre les ouvriers de l'industrie, souvent très à gauche et très influencée par le Parti communiste iranien, qui était déjà né à l'époque, les nationalistes libéraux, ayant comme leader Mohammad Mossadegh, le leader de l'industrialisation de l'industrie pétrolière, et le premier ministre de l'Iran à l'époque, et enfin une partie des clercs chiites. Ce mouvement a abouti en 1949 à la nationalisation de l'industrie pétrolière, et c'était la première fois que quelque chose de ce type émergeait dans un pays soumis à l'impérialisme britannique. Néanmoins, les Anglais ne voulaient pas si facilement perdre leur contrôle sur le pétrole iranien. Ils ont donc essayé de présenter Mossadegh comme quelqu'un de gauche auprès des Américains, quelqu'un qui voulait créer un rapprochement entre l'Iran et l'Union soviétique. Par ailleurs, les Américains, comme les Anglais, étaient effrayés par les ramifications que cette nationalisation aurait pu avoir en ce qui concerne les autres producteurs de ressources naturelles. Ce qui est quand même intéressant est que Mossadegh n'était pas quelqu'un de gauche. C'était un nationaliste modéré et plutôt libéral. Mais la paranoïa anticommuniste américaine les a donc conduits à faire renverser le gouvernement de Mossadegh, qui avait été élu lors d'une élection démocratique et par le soutien très très fort de la population par un coup d'État militaire en 1953. Le Parti communiste iranien jouait dans ce coup d'État un rôle désastreux, car vu que ce parti pensait, sous l'influence des soviétiques, que Mossadegh était pro-américain, du coup, c'est invraisemblable. Les soviétiques pensaient que Mossadegh était pro-américain, les Américains ils pensaient qu'ils étaient pro-soviétiques. Incroyable. Que Mossadegh était pro-américain, il ne croyait pas que les Américains voulaient mener un coup d'État contre lui. Ils n'ont donc rien fait contre ce coup d'État, et quand ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient trompés, il était déjà trop tard. Ce que nous devrions retenir de ces deux mouvements politiques est avant tout le fait que les leaders de chacun d'eux étaient dans une large mesure libéraux. Pourtant, on voit à quel point chaque fois les mouvements politiques des Iraniens se heurtaient à une limite extérieure. La première fois, la barrière était la Russe tsariste, et la deuxième fois, elle était les États-Unis anticommunistes, avec la présence forte et l'influence continuelle des Britanniques. À partir du coup d'État militaire de 1953, les Iraniens ont vécu pendant presque 20 ans sous un régime très répressif et qui était surtout très dur vis-à-vis des organisations de gauche. Il est devenu clair aujourd'hui que les Américains demandaient au Shah de faire tout ce qu'il fallait pour empêcher la gauche de prendre le pouvoir. Vu que les Américains concevaient toutes les forces de gauche comme les laquais des Soviétiques et donc considérer l'accès au pouvoir de gauche comme permettant à l'Union soviétique d'accéder aux champs pétroliers du Moyen-Orient. Il ne faut pas oublier que d'après la doctrine principale des affaires étrangères américaines, qui est toujours acceptée comme la doctrine principale, même aujourd'hui, bizarrement, malgré tous les changements. Écrite en 1957, lors du mandat d'Eisenhower, le pays qui contrôle, cette doctrine dit explicitement, le pays qui contrôle le Moyen-Orient contrôle le monde en entier. Il a été indiqué dans ce même document, au regard du communisme, que les forces américaines s'engageraient à protéger, là je cite, à protéger et à assurer l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de toutes les nations moyen-orientales, celles qui demanderaient à recevoir de telles aides contre l'agression armée par toute autre nation contrôlée par le communisme international. Fin de la citation. Du coup, l'accent mis par les Américains sur la menace soviétique avait fait du Shah d'Iran un paranoïaque anticommuniste, de sorte que vers la fin de son règne, il avait largement dépassé l'anticommunisme des Américains. Par exemple, lorsque les Américains lui demandaient vers la fin pourquoi il achetait autant d'armements super avancés, c'est-à-dire qu'à la fin de la révolution, l'Iran parfois avait des armements que même les Américains eux-mêmes n'avaient pas. Du coup, il donnait de l'argent, par exemple, aux entreprises américaines pour qu'elles produisent des armements que même l'armée américaine ne leur demandait pas, parce que ces armements coûtaient très très cher. Du coup, pourquoi il achetait autant d'armements super avancés? Il leur rétorquait qu'il en avait besoin pour pouvoir se défendre contre les communistes au nord et que les Américains eux-mêmes devraient prendre plus au sérieux. Vous voyez, en fait, il disait aux Américains qu'ils devraient prendre plus au sérieux le danger des Soviétiques. Pour donner un exemple de l'apport suscité par la gauche chez le Shah de l'Iran, il suffit de mentionner que pendant plusieurs interviews qui existent sur YouTube maintenant, quand les intervieweurs étrangers lui reprochaient d'avoir mis trop de personnes en prison, il leur rétorquait qu'il n'y avait aucun prisonnier politique en Iran et que tous les prisonniers étaient des communistes. Au fond, ça veut dire que les communistes n'étaient pas les êtres humains, quoi. Du coup, il n'y avait pas de prisonniers, quoi. C'est incroyable. Vraiment. En plus, il le répète à plusieurs reprises. Il faut donc comprendre à quel point le régime monarchiste considérait les forces de gauche comme son véritable ennemi, et combien le Shah d'Iran se considérait comme étant à la frontière de la lutte contre le communisme. Ainsi, un modèle se constitue et se déploie à partir de ce moment à travers le Moyen-Orient. Et selon ce modèle, il fallait favoriser les autres groupes, surtout les groupes islamistes, afin de marginaliser les organisations de gauche. Ceci afin de contrecarrer le communisme. Donc ce qui se produira plus tard en Palestine, au Yémen, en Afghanistan et aujourd'hui en Syrie et en Irak, bien que ces deux derniers cas pour contredire des adversaires différents parce que, disons, le temps a changé, quoi. Donc ce qui se produira plus tard dans ces pays s'est produit en premier lieu en Iran à cette époque-là. Cela ne veut pas dire que le régime de Shah a créé ou même encouragé les forces islamistes. Ce n'est pas ce que je dis. Pourtant, c'est un fait que ce régime opprimait très brutalement les forces de gauche, tout en donnant quand même plus de liberté aux islamistes. Là, ça va, je ne lis pas vite, non? Vous me suivez? Ça va bien? Ok. Malgré le caractère très répressif du régime du Shah, à partir du coup d'État de 1953 jusqu'à la révolution de 1979, l'Iran a vécu une période de stabilité et de prospérité économique invraisemblable. C'était surtout le cas durant les dernières 15 années avant la révolution. La croissance économique de l'Iran était si forte que pour beaucoup d'observateurs, l'Iran allait devenir l'une des 5 puissances économiques mondiales aux alentours du milieu des années 80. Par exemple, Ernest Mandel, l'économiste marxiste extrêmement célèbre, passe beaucoup de temps dans son livre le plus important, Le troisième âge du capitalisme, ou disons le capitalisme tardif plutôt, où il passe beaucoup de temps à montrer que dans le cadre d'une économie capitaliste mondiale, il est impossible pour les pays pauvres de s'industrialiser et d'atteindre un niveau de développement très élevé. Cependant, il reconnaît dans le même livre, écrit au début des années 70, qu'il peut y avoir des exceptions de temps en temps et que l'Iran, il le dit, constituait un cas exceptionnel au sens où un pays mal développé était en train de se développer d'une manière très rapide. Le développement et la stabilité de l'Iran étaient si flagrants que presque un an avant la révolution iranienne, Jimmy Carter, le président américain de l'époque, a fait un voyage en Iran durant les vacances du Nouvel An, et il y a fait, lors d'une soirée organisée par le Shah, l'éloge du Shah pour avoir créé une région, pour avoir créé dans une région si instable une base de stabilité et de prospérité. Il faut donc se demander pourquoi les Iraniens ont fait la révolution. Certes, malgré le développement économique rapide de l'Iran, le niveau des inégalités économiques était très élevé et une partie très importante de la population vivait dans la misère. Toutefois, on parle ici de l'Iran. Mais le fait est que la situation n'était pas si différente au même moment dans beaucoup d'autres pays semblables à l'Iran. Et on a même aujourd'hui beaucoup de pays où le niveau des inégalités reste, malgré la croissance économique très rapide, très élevé. L'Inde et la Chine n'en sont que deux exemples. Par ailleurs, soyons très clairs au sujet du fait que l'exception marxiste classique, selon laquelle, pour qu'une révolution se produise, il faut d'abord une révolution au niveau des forces productives, qui ensuite conduit à une révolution dans les rapports de production et qui donne lieu, enfin, à une révolution politique, est nettement fausse dans le cas iranien. Car dans cette rationalité marxiste, il est difficile d'expliquer pourquoi une révolution aurait lieu dans un pays où on atteste d'ores et déjà d'un développement fort des forces de production. Le caractère insatisfaisant de cette manière d'expliquer l'histoire a déjà été clarifié de manière, selon moi, assez convaincante concernant la révolution russe. Mais dans le cadre de la révolution iranienne, ce caractère insatisfaisant se manifeste de manière bien plus accentuée. La première énigme concernant la révolution iranienne est donc liée au fait même que cette révolution s'est produite. La deuxième énigme est liée au fait qu'après la révolution, ce sont les islamistes qui ont pris le pouvoir. Et cela malgré le fait qu'à l'époque, l'Iran avait une classe ouvrière et une classe moyenne très nombreuses et que la classe ouvrière iranienne était très organisée, surtout grâce à la capacité organisationnelle du Parti communiste iranien, qui était le Parti communiste de loin le plus organisé du Moyen-Orient, voire un des partis les plus organisés en Asie en réalité. Étant donné que quand une révolution a lieu, il est toujours facile de trouver des justifications de manière rétrospective pour son avoir lieu, je pense qu'il serait plus intéressant d'essayer de répondre à la première question, pourquoi elle a eu lieu la révolution iranienne, après qu'on aura trouvé une réponse satisfaisante à la deuxième question, à savoir celle de savoir pourquoi ce sont les islamistes qui ont pu prendre le pouvoir d'État après la révolution. Pour répondre à cette question, il faut d'abord décrire brièvement les groupes qui luttaient contre la monarchie du Shah. Il y avait au moins 6 composantes majeures dans cette lutte contre le régime du Shah. 2 composantes islamistes, 2 composantes de gauche, 1 composante libérale et 1 composante nationaliste. Pour beaucoup de raisons dont il est difficile de parler ici, vu le temps limité dont je dispose, je ne parlerai pas des 2 dernières composantes, ça veut dire nationaliste et libérale, car le rôle joué par ces 2 composantes n'était pas très important dans la période révolutionnaire, bien que ce soit les libéraux qui aient formé pendant quelques mois le premier gouvernement après la révolution, ce qu'on appelle aujourd'hui le gouvernement provisoire. Du coup, je fais une analyse très rapide des composantes islamistes et des composantes de gauche. Au sein des islamistes, la première composante, celle qui était bien plus forte, était celle qui se réunissait autour de la figure de Ayatollah Khomeini, personne souvent identifiée comme le leader de la révolution tout court. Ce qu'il faut absolument prendre en considération est le fait qu'avant Khomeini, la quasi-totalité des clercs chiites, surtout ceux qu'on appelle marja'i tarlit, c'est-à-dire les clercs les plus haut placés, n'étaient pas favorables à l'idée d'abolir le régime monarchique. C'est parce qu'au-delà du fait que beaucoup d'entre eux profitaient économiquement du régime, surtout par le soutien financier des grands propriétaires, ils considéraient, pour des raisons religieuses, tous les régimes politiques terrestres comme illégitimes. Et penser que c'était seulement après le retour du 12e imam des chiites Dans l'islam chiite, on parle de 12 personnes, on les appelle imams, importants, après le prophète. Et ces 12 personnes occupent une place très importante, et on dit que le dernier, le 12e imam, est occulté. Et qu'après, on a une vision messianique selon laquelle, un jour dans l'avenir, ce 12e imam va retourner, accompagné avec Jésus-Christ, pour établir la justice sur la terre. Mais ça, en fait, c'est Jésus qui l'accompagne, pas l'inverse. Il ne faut pas oublier. Ça, c'est très accentué par les chiites, en fait. Il ne faut pas l'oublier. Du coup, c'était seulement après le retour du 12e imam des chiites, celui qui est censé être occulté, qu'un régime politique légitime pourrait être établi. Pour ces clercs, avant le retour de cet imam, il suffisait que le shah soit musulman et qu'il permette aux clercs de vérifier que les lois de la société se conforment suffisamment aux préceptes de l'islam pour qu'un tel régime soit tolérable. Khomeini est donc le premier clerc dans les temps modernes qui a mis en cause cette idée, déclarant ainsi qu'un musulman devrait, pour qu'il ou elle puisse être qualifié de musulman, lutter pour la création d'un gouvernement islamique dirigé par un marja et tarlid, c'est-à-dire un clerc haut placé. L'autre composante majeure des islamistes s'était constituée autour d'un intellectuel iranien, Ali Shariati, qui avait fait ses études ici à Paris et qui était un ami personnel de Jean-Paul Sartre et de Simone de Beauvoir. Il a entretenu une longue correspondance avec Frantz Fanon et a traduit en persan les œuvres d'Ernesto Che Guevara. Shariati avait une pensée de gauche, mais il essayait de montrer qu'une telle vision était déjà reparable à l'intérieur de l'islam chiite. Et dans ce but, il mettait souvent deux imams chiites, j'ai dit qu'on en a 12, mais il mettait souvent deux parmi ces 12, ça veut dire le premier Ali et le troisième Hossein, au centre de ses relectures de l'histoire de l'islam. À cette fin, il allait jusqu'à identifier dans l'histoire du chiisme, deux tendances majeures et antagoniques. La première fut, pour lui, un chiisme contestataire qui prédominait surtout avant que l'islam chiite ne devienne la religion officielle de l'État en Iran, par la force brute de l'empire safavide au XVIe siècle. Ça veut dire que le chiisme est devenu la religion officielle de l'Iran seulement au XVIe siècle. Avant, les régimes iraniens étaient souvent les régimes sunnites, ce qui faisait que la plupart des gens étaient sunnites. Du coup, l'empire safavide, pour imposer le chiisme, tout énormément de gens. Mais que le chiisme, vu que le pouvoir était en main des sunnites, pendant beaucoup de siècles, constituait une sorte de force contestataire, qui a duré même plus longuement, vous voyez, que le christianisme. Parce que le christianisme a duré 3 siècles, alors que dans le cas du chiisme, ça a duré 6-7 siècles à peu près. Du coup, par la force brute de l'empire safavide au XVIe siècle, Shariati a appelé ce chiisme le chiisme d'Ali et de Hossein, les deux imams. Le deuxième chiisme, celui devenu dominant suite à l'étatisation du chiisme à l'époque de l'empire safavide, est le chiisme des clercs. C'est ça ce que dit Shariati. Un chiisme, selon lui, passif, réactionnaire et étatique. Vu ses positions à l'égard des clercs, il fut et toujours très critiqué par ces gens. Il cherchait ainsi à réintroduire un tournant révolutionnaire dans le chiisme, semblable au tournant protestant radical introduit par Muntzer et la révolte des paysans dans le protestantisme. L'islamisme de Shariati était très populaire à la fois dans les milieux universitaires et surtout chez les étudiants et dans les quartiers populaires. Et cela surtout grâce à la force de ses discours donné dans un endroit religieux au centre de Téhéran. Entre 1973 et 1975, il est détenu pendant 18 mois par le régime de Shah, à l'isolement. Puis libéré mais assigné à résidence, il est ensuite obligé de quitter le pays le 17 mai 1977. Et le 19 juin, Shariati mort dans des circonstances obscures en Angleterre. En fait, on pense vraiment qu'il a été assassiné par le régime du Shah. Le mouvement politique le plus marqué par les pensées de Shariati fut Mujahedin e Khalq, ou l'organisation des Mujahedin du peuple iranien. Un groupe qui est aujourd'hui devenu très réactionnaire et très proche du Parti républicain américain. C'est vraiment un des paradoxes tristes de l'histoire mondiale pour moi, à quel point c'est une telle transformation radicale. Mais qui à l'époque était très différent, ce groupe. Il est même possible de dire que ce groupe, tel qu'il existe aujourd'hui, n'a plus rien à voir avec... Surtout ce groupe est très présent en France et leur objectif principal aujourd'hui est de faire de sorte que les États-Unis attaquent l'Iran. Pourquoi après ils puissent remplacer les dirigeants actuels. C'est vraiment leur seul but actuellement. Du coup, ce groupe tel qu'il existe aujourd'hui n'a plus rien à voir avec les groupes qui portaient ce nom à l'époque. Bien qu'un certain nombre de ces membres... un certain nombre de ses membres soient restés les mêmes. Mais le fait est que tous ses membres les plus importants, en fait, ont été soit assassinés avant la révolution, soit après la révolution. Du coup, ceux qui restent sont en réalité les gens qui, à l'époque, n'étaient pas vraiment très importants dans l'organisation. Finalement, du coup, ça, c'était les composantes islamistes, si vous voulez. Finalement, les deux composantes de gauche étaient, d'une part, le Parti communiste iranien, d'autre part, plusieurs organisations de gauche, dont la plus importante fut l'organisation des guerriers fedaï. Fedaï, ça veut dire celui qui se sacrifie. Des guerriers fedaï du peuple d'Iran. À part le Parti communiste, les autres organisations étaient très critiques à l'égard de l'Union soviétique, et donc anti-staliniennes et maoïstes. Mais elles avaient très souvent des tendances terroristes. Et s'embarquer très vite dans les actions clandestines. Par exemple, ce groupe, Organisation des guerriers, genre leur déclaration, disons leur manifeste, dès le début, ils disent qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible de faire de la politique, il faut faire de la guerre. Et en fait, leur première action, c'est d'exploser en fait, une sorte de caserne. Quoi. Ils ne s'investissaient pas vraiment dans les discussions auprès des gens. Quoi. Peu importe. On s'est demandé pourquoi ce sont les islamistes qui ont pris le pouvoir après la révolution. La réponse la plus répandue, la plus typique, est la suivante. Une partie importante des Iraniens était à l'époque très religieux, très religieuse. C'était surtout le cas dans les endroits pauvres, où les islamistes, grâce à la présence des mosquées, pouvaient y exercer une influence très forte. C'est vrai que dans les périphéries des grandes villes, ainsi que dans les villages, la présence des islamistes était la plus forte. Et cela surtout et avant tout grâce à l'existence préalable et historique des mosquées. Par le biais de cette présence, les islamistes, surtout la partie menée par Khomeini, profitaient d'un avantage organisationnel très fort par rapport aux organisations de gauche. De surcroît, la répression brutale du Shah contre les organisations de gauche les empêchait de pouvoir se présenter partout. Ce qui faisait que la présence du Parti communiste était limitée aux milieux ouvriers et chez les fonctionnaires d'État, et celle des autres, la présence des autres organisations aux milieux plutôt universitaires, si vous voulez. Vu l'ensemble de ces données, il était évident, cela est souvent affirmé dans cette lecture typique, disons, que les islamistes avaient plus de force et qu'ils pouvaient prendre le pouvoir. Le fait est que le groupe qui a pu résister le plus longtemps à la tentative des Khomeinistes de monopoliser le pouvoir, fut l'autre groupe islamiste, à savoir les Mujahedin. Et cela parce qu'ils avaient réussi à s'infiltrer très fortement dans les milieux populaires, y compris dans les villages. Personnellement, je ne suis pas convaincu par cette réponse. D'une part, elle est souvent mise en avant par ceux-là même qui auraient trouvé impossible, avant la révolution, l'idée que les islamistes puissent prendre le pouvoir en Iran. Ce sont souvent les mêmes gens qui disaient avant la révolution que les islamistes sont trop insignifiants pour être pris au sérieux. C'est donc une interprétation purement rétrospective qui dit au fond que les islamistes ont pris le pouvoir parce qu'ils avaient plus de force, et puis pour expliquer le fait qu'ils avaient plus de force, ils disent que ça on le sait parce qu'ils ont pris le pouvoir. De plus, l'autre composante islamiste, à savoir les Mujahedin, inspirés par la pensée de Shariati, ne profitait pas autant de la présence des mosquées. Parce que j'ai dit que Shariati avait une pensée anticléricale, même si, du coup, alors que les mosquées étaient contrôlées par les clercs. C'est donc difficile d'expliquer leur popularité, surtout des Mojahedines et de Shariati, par cette voie. Je pense donc que même s'il faut avoir cette réponse dont je viens de décrire en tête, il faut aller bien plus loin pour trouver une réponse satisfaisante. La deuxième réponse, celle que je partageais moi-même jusqu'à très récemment, mais que je ne la partage plus, est la suivante. Comme on l'avoue, avant la révolution de 1979, au moins deux autres événements politiques majeurs avaient eu lieu dans l'histoire moderne de l'Iran. La révolution constitutionnelle, 1905, et la nationalisation de l'industrie pétrolière par Mossadegh, 1953. Le premier événement s'est terminé par le bombardement du Parlement par les Russes, et le deuxième par un coup d'État militaire orchestré par les États-Unis. À l'époque de la révolution iranienne, le monde entier était sous l'influence directe ou indirecte de ces deux puissances qui avaient marqué l'histoire moderne de l'Iran d'une manière catastrophique. Vous, le fait que ce sont les islamistes qui avaient installé le Shah après le coup d'État et qu'ils continuaient de le soutenir, il était normal pour tous les révolutionnaires de mépriser les États-Unis. Une des erreurs des libéraux et des nationalistes à l'époque était justement le refus d'être critique à l'égard de la politique américaine. À cela, il faut ajouter le fait que, surtout durant les dernières 10 années avant la révolution, le régime du Shah avait largement récupéré le discours nationaliste et essayé de se présenter comme l'héritier des grands empires perses, surtout l'empire achéménide. Et que, de plus, le régime du Shah était sur le plan des mœurs extrêmement libéral. On avait tous les artistes de partout qui venaient souvent en Iran. En fait, les femmes aussi étaient extrêmement libres et ainsi de suite. Pourtant, pendant que les islamistes, dans toutes leurs composantes majeures, condamnaient non seulement les Américains, mais aussi les Soviétiques, le Parti communiste, vu ses liens avec l'Union soviétique, ne critiquait que les États-Unis. Compte tenu de l'histoire récente de l'Iran, c'est-à-dire avant la Révolution, la position des islamistes était bien plus convaincante. Et cela devient même plus clair quand on s'aperçoit qu'un des slogans principaux de la Révolution iranienne fut « Ni l'Occident, ni l'Orient, la République islamique de l'Iran ». Autrement dit, les deux mouvements politiques précédant la révolution de 1979, avaient été largement libéraux et s'étaient donné principalement des aspirations démocratiques. Et le fait est que, dans les deux cas, ils avaient pu surmonter l'adversaire qu'ils voulaient vaincre au départ, à savoir le despotisme domestique. Mais tous les deux se sont heurtés par la suite à une barrière qu'ils ne pouvaient plus franchir, à savoir l'impérialisme russe dans un cas, américain et britannique dans l'autre. Les islamistes, en mettant la question de l'indépendance au centre de leur politique, on peut donner une orientation politique bien plus convaincante. Et vu le caractère libéral et pro-américain des nationalistes et le caractère pro-russe du Parti communiste, ils ont pu également convaincre les gens que l'islam était la seule voie politique capable d'assurer une indépendance face aux puissances russes et américaines. Si on prend en compte cette deuxième, du coup c'est la deuxième réponse si vous voulez, que je partageais jusqu'à très récemment. Ça fait combien de temps que je parle? 40 minutes, ok, très bien. Mais c'est bien, continue. Oui, très bien. Merci. Si on prend en compte cette deuxième réponse et si on y ajoute la première étant voilà, la force, les Iraniens étaient religieux, les mosquées et tout. Du coup, la force brute, quoi. Il semble qu'on puisse donner une réponse à nos deux questions. Pourquoi les Iraniens ont fait la révolution? Parce qu'ils voulaient être indépendants des deux puissances impérialistes de l'époque. Pourquoi sont ce les islamistes qui ont pris le pouvoir après la révolution? Parce qu'ils ont pu convaincre une partie très importante du peuple iranien du fait qu'une politique islamiste était la meilleure voie pour atteindre cet objectif. Je pourrais terminer ainsi mon exposé, mais le seul problème est qu'une telle analyse de la révolution iranienne, bien que largement précise, ne sert pas à grand-chose quant à la lutte internationaliste de l'humanité pour la justice. Une telle lecture fera de la révolution iranienne un épisode important, voire le plus important, des luttes pour l'indépendance nationale dont on a eu beaucoup d'autres exemples durant le même siècle. Il n'y a évidemment rien de problématique dans la lutte d'un peuple pour acquérir son indépendance face aux puissances impérialistes. De surcroît, le fait est qu'indépendamment des ramifications économiques et politiques que la révolution et la prise de pouvoir d'État par les islamistes ont eu sur le peuple iranien, l'Iran post-révolutionnaire a été l'un des pays les plus indépendants de la région, voire du monde, surtout face à la puissance impérialiste principale de notre monde, à savoir les États-Unis, et cela malgré le fait que, peu après cette révolution, l'armée irakienne, soutenue largement par les États-Unis et les puissances européennes, dont la France, a attaqué l'Iran afin d'annexer une partie importante du territoire iranien, surtout au sud-ouest du pays, là où se trouvent la plupart des champs du pétrole et du gaz. Et même après que l'Irak de Saddam n'a pu atteindre ses objectifs, les puissances occidentales, dirigées par les États-Unis, ont imposé toutes sortes de contraintes et de sanctions contre l'Iran. Malgré toutes ces pressions, l'Iran continue, pour le meilleur ou pour le pire, d'être un pays dont la politique n'est pas imposée par les instances dites internationales, quoique largement influencée par les États-Unis et ses alliés européens, que ce soit les Nations Unies ou les autres. Ce que je trouve dans moi, c'est pour dire que, voilà, pourquoi pas, c'était une révolution pour avoir l'indépendance face aux impérialistes. Mais ce que je trouve néanmoins problématique dans une telle lecture est qu'en mettant la question de l'indépendance nationale au premier rang, elle fait de l'impérialisme le problème principal auquel les révolutionnaires voulaient faire face. Certes, comme je l'ai dit, l'anti-impérialisme joue un rôle essentiel dans la révolution. Mais je crois que cette révolution a quelque chose de tout de même plus important à nous dire. Et pour corroborer cette thèse, il suffit de dire que le régime du Shah, même s'il était très servile à l'égard des États-Unis, constituait une puissance régionale majeure, y compris face à l'Israël et aux pays arabes. Et le fait est qu'à l'époque, la plupart des pays du monde, y compris les pays européens, devaient se comporter servilement, soit face aux États-Unis, soit face à l'Union soviétique. Il n'est donc pas vrai de dire que l'Iran pré-révolutionnaire était un pays tellement en carence d'indépendance qu'il fallait forcément que s'y produise une révolution indépendantiste. Si ce n'est donc pas l'anti-impérialisme et la quête d'indépendance qui constituaient le foyer de cette révolution, il faut chercher sa vraie importance ailleurs. Et je pense que ce point doit être cherché du côté de la critique du capitalisme de la modernité dite occidentale qu'on peut trouver dans cette révolution. Donc là, à partir de maintenant, je commence la partie qui va traiter beaucoup plus la question du matérialisme. Pourquoi le matérialisme ne suffit plus? Je commence cette lecture en m'appuyant sur un énoncé très célèbre de Khomeini qui dit « L'économie est pour les ânes ». Âne, vous voyez, en fait, l'animal. Oui. L'économie est pour les ânes. Cet énoncé est très souvent utilisé, et cela depuis le début, afin de ridiculiser Khomeini et ceux qui le suivaient, pour dénoncer leurs bêtises et leur incompréhension de la complexité de la modernité. L'échec économique de l'Iran post-révolutionnaire, un fait attesté par une partie importante des dirigeants même de la République islamique, semble, de plus, corroborer la caractérisation péjorative de cet énoncé. Dans le reste de mon exposé, je voudrais montrer pourquoi cet énoncé a été à l'origine de la réussite des islamistes et pourquoi les islamistes ont réussi à mobiliser plus de gens après et durant la révolution, non pas à cause du caractère soi-disant arriéré de la majorité des Iraniens ou de la violence brutale des forces islamistes ou même des autres raisons dont je viens de parler, bien que ces raisons soient quand même vraies, mais surtout et avant tout grâce à la puissance transformative que cet énoncé et la vision du monde qui était associée ont pu exercer sur les Iraniens. Je crois qu'à un niveau épistémologique, le caractère le plus important de cet énoncé résidait dans son refus de l'idée que le rapport entre l'homme, le sujet et l'objet, n'importe quel objet, soit l'aspect le plus essentiel de la vie politique. Par le prisme de cet énoncé et par sa puissance transformative, on peut voir à quel point, dans la modernité capitaliste et même dans la version orthodoxe de la critique marxiste de ce capitalisme, c'est justement le rapport entre sujet et l'objet, à savoir l'économie, auquel est réduite toute la politique. Dire ainsi que l'économie est pour les uns signifiait que réduire la politique à l'économie est comme réduire les êtres humains à leur dimension purement et simplement animale. Cet anti-économisme fut l'une des raisons principales pour lesquelles les islamistes ont pu avoir un tel impact considérable sur les chômeurs et sur tous ceux chez qui la voie de l'émancipation n'était pas à chercher tout simplement dans une gestion économique différente que celle que l'économie capitaliste de l'Iran pré-révolutionnaire leur offrait. Et je crois que comprendre cet anti-économisme est d'autant plus important dans les pays où les chômeurs et les agents non économiques ont joué un rôle très significatif dans les luttes qui s'y sont produites dernièrement, comme la France par ailleurs. Pour mieux comprendre ce que je viens de dire, il me semble qu'il est important de se demander en quoi consistent les traits principaux du modernisme capitaliste. On a pris l'habitude d'y répondre suite à l'analyse de Marx en disant que le capitalisme a un mode de production déterminé avant tout par la propriété privée des moyens de production. Pourtant, il me semble que Marx est ici piégé par le capitalisme. Cela ne veut pas dire que la propriété privée ne joue pas un rôle essentiel dans le capitalisme. Bien au contraire, la propriété privée constitue sans doute un des piliers du capitalisme et penser le capitalisme sans la propriété privée n'est pas possible. Cependant, il me semble que pour bien comprendre le capitalisme, analyser la propriété privée ne suffit pas. Car il est facile de montrer que dans le capitalisme, on a l'idée suivant laquelle le rapport entre l'homme et l'objet est l'alpha et l'oméga de la vie politique. Le capitalisme est donc un régime politique qui réduit d'abord toute la vie politique au rapport entre l'homme et l'objet. Et par la suite, par le biais de la propriété privée, il introduit un mécanisme de différenciation et de subordination politique. Je n'ai pas ici assez de temps pour expliquer en détail les raisons principales pour lesquelles Marx n'a pas prêté suffisamment d'attention à ces deux trois aspects essentiels du capitalisme, mais je peux en mentionner au moins deux. Première, pour Marx, le capitalisme, en réduisant la vie politique au rapport entre l'homme et l'objet, permettait aux hommes de se libérer de l'emprise de la religion et de la manière dont celle-ci réduisait la vie politique au rapport entre l'homme et Dieu. Il est difficile de ne pas sentir la jouissance que tire Marx lorsqu'il parle dans le manifeste du fait que dans le capitalisme, tout ce qui est solide se dissout dans l'air. Cette attitude est surtout liée au fait que, comme il le dit ailleurs, la religion peut jouer parfaitement le rôle de l'opium du peuple. Ainsi, en parlant du rapport entre l'homme et Dieu et le paradis garanti par ce dernier, la religion peut distraire le peuple des injustices qui se passent ici et maintenant. Du coup, l'attitude antireligieuse de Marx faisait qu'il accueillait bien cette dimension du capitalisme, c'est-à-dire réduire tout à l'homme et l'objet, et peut-être se faisant se débarrasser finalement et totalement de Dieu. Et ses conséquences pour la vie politique que Marx pensait là, à juste titre, désastreuses. Deuxième raison, vous le fait que Marx était très conscient de la réalité empirique de son temps, il lui était facile de voir que les ouvriers industriels avaient été disciplinés, malgré eux-mêmes, par la force brute du capitalisme. Les ouvriers étaient tous et toutes obligés de se lever très tôt au matin et passer beaucoup de temps ensemble dans les usines, sans qu'il puisse boire et se droguer. Le fait est que les chômeurs de son temps manquaient, surtout à cause de l'alcool et des drogues, du strict minimum de discipline. Et vous, le fait que Marx, en tant que révolutionnaire, voulait que le capitalisme soit renversé aussitôt que possible, il lui semblait évident que seule la classe ouvrière industrielle, grâce à la discipline imposée sur elle par le capitalisme, était en mesure de bouleverser la classe capitaliste, ses policiers et ses soldats. C'est pourquoi, en lisant Marx, il n'est pas difficile de constater deux niveaux d'analyse qui sont cependant souvent confondus. D'une part, l'analyse dite structurelle du capitalisme, qui est censée être indépendante du capitalisme ici, du capitalisme tel qu'il apparaît réellement à chaque moment. Du coup, l'analyse structurelle du capitalisme indépendamment du capitalisme tel qu'il apparaît à chaque moment. Et d'autre part, l'analyse qu'il faisait du capitalisme de son temps. Le problème de Marx, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas quand on lit le Capital, on ne sait pas si on est devant l'analyse du capitalisme en tant que tel ou on est devant l'analyse du capitalisme de son temps. Par exemple, en parlant du rapport entre les capitalistes et les ouvriers, Marx sait très bien qu'il faut introduire également les chômeurs dans l'analyse. Car c'est seulement quand on a des chômeurs que les capitalistes peuvent obliger les ouvriers à travailler selon des termes favorables aux capitalistes. Car, vous savez, si on a un capitaliste, un travailleur, si le travailleur refuse de travailler, le capitaliste va perdre son capital. Il faut qu'on ait des chômeurs et le capitaliste va dire au travailleur, si vous ne travaillez pas tel que je veux que vous travailliez, il y a d'autres personnes qui sont bien prêtes à travailler tel que je veux. Et ainsi, en réalité, le rapport de force est renversé. Ce sont les capitalistes qui sont favorisés grâce à la présence des chômeurs et des travailleurs. Et obliger les ouvriers à travailler selon des termes favorables aux capitalistes. Mais ils prêtent par la suite très peu d'attention aux chômeurs. Et cela, je crois, parce que vous, le monde qu'il avait devant lui, il lui paraissait ridicule. En fait, maintenant tout ça peut être attesté par des analyses historiques très précises. Alors, ça a été même fait. Il lui paraissait ridicule que les chômeurs de son temps, sinon ivres ou drogués, du moins peu organisés, puisse bouleverser le capitalisme. Il a pourtant confondu ces deux niveaux, parce que, comme je l'ai dit, Marx désirait passionnément le jour où le capitalisme serait renversé. Faire la distinction entre le capitalisme en tant que tel et le capitalisme tel qu'il existe ici et maintenant a beaucoup plus de sens dans notre perspective, vu qu'on a pu assister à plusieurs moments historiques du capitalisme, sans que ce dernier disparaisse. Ce qui nous oblige alors à introduire la dite distinction entre le capitalisme en tant que tel et le capitalisme à chaque moment. Malgré ce point, en intégrant la classe ouvrière comme seule composante essentielle du capitalisme en tant que tel, au lieu de la penser comme la composante essentielle du capitalisme de son temps, Marx a dû justifier cette position d'une manière non plus historique et contingente, mais anhistorique et nécessaire. Ainsi, pour défendre le rôle singulier qu'il voulait attribuer à la classe ouvrière, il était obligé d'accepter la vision productiviste du capitalisme. Le fait que ce dernier réduire la politique au rapport entre l'homme et l'objet. C'était la deuxième raison. Ainsi, Marx a accepté la réduction de la vie politique au rapport entre l'homme et l'objet, compris comme quelque chose d'évident. Il dit, par exemple, dans Les Grundrisse, là je cite Marx, ça, la qualité historique remarquable du capital est de créer ce sur-travail, ce travail superflu du point de vue de la simple valeur d'usage, de la simple subsistance. L'aspiration incessante du capital à atteindre la forme générale de la richesse conduit le travail au-delà des limites des nécessités naturelles élémentaires et crée ainsi les éléments matériels pour le développement de la riche individualité qui a autant de facettes dans sa production que dans sa consommation, et dont le travail n'apparaît par conséquent plus comme travail, mais comme le développement complet de l'activité elle-même. dans laquelle la nécessité naturelle sous sa forme directe a disparu, parce qu'un besoin historiquement créé a pris la place de besoin naturel. Fin de la citation. On voit à quel point Marx ici commet une erreur en acceptant qu'entre les besoins dits naturels et les besoins dits historiques, il y a une sorte de continuité assurée par le capitalisme. Il est totalement vrai de dire, quand il s'agit des besoins dits naturels, qu'on a affaire à des besoins de nature économique et que satisfaire ces besoins est impossible sans passer par des objets. Manger veut dire manger un objet. S'héberger veut dire s'héberger dans un objet. Être en bonne santé physique veut dire avoir accès à des médicaments, à savoir des objets. Et boire veut dire boire un objet. Ou quand il s'agit des besoins naturels, il est vrai que le rapport entre l'homme et l'objet, à savoir le rapport économique, est indispensable. De là à conclure, lorsqu'on passe aux besoins dits historiques, qu'on a toujours affaire aux besoins qui ont forcément besoin des objets, revient à commettre une erreur. Plus précisément, il ne s'agit pas là d'une erreur, c'est une partie intégrante du capitalisme, aussi important que la propriété privée, que de nous faire croire que quand il s'agit des besoins dits historiques, il est tout autant indispensable d'établir le rapport entre l'homme et l'objet que dans le cas des besoins économiques ou naturels. Ainsi, Marx, une partie très importante de la gauche européenne, en négligeant la distinction entre les besoins naturels et historiques, et le fait que cette distinction est justement la vraie distinction entre l'économie et la politique, ont été piégés sans le savoir par l'économisme capitaliste. C'est ainsi que la modernité dite européenne, à droite, qui pense que les objets doivent être privatisés, aussi bien qu'à gauche, qui pense que les objets doivent être collectivisés, n'est rien d'autre que l'idéologie qui fait du rapport entre l'homme et l'objet l'alpha et l'oméga de la vie en commun. Si donc, dans les régimes religieux du passé, on mettait le rapport entre l'homme et Dieu au centre absolu de la vie commune, et puis on ordonnait la vie commune en fonction de l'accès privilégié à Dieu, la modernité matérialiste européenne n'a donc rien fait d'autre que remplacer Dieu par l'objet, pour élever le rapport entre l'homme et l'objet au centre absolu de la vie commune, pour ensuite ordonner cette vie en fonction de l'accès privilégié aux objets. Il est vrai que cet accès privilégié aux objets, autrement dit la propriété privée, a été critiqué par le marxisme et la gauche. Mais de même que pour véritablement se débarrasser des régimes politiques qui ordonnaient la vie commune en fonction de l'accès à Dieu, il fallait mettre en cause l'idée plus fondamentale selon laquelle le rapport entre l'homme et Dieu est le centre de la politique, pour véritablement se débarrasser des régimes politiques qui ordonnent la vie commune en fonction de l'accès aux objets, il faudrait mettre en cause l'idée plus fondamentale selon laquelle le rapport entre l'homme et l'objet est ce qui est le plus essentiel dans la vie commune. Maintenant, pour retourner à mon analyse de la révolution iranienne, il me semble que cette révolution constitue la première occurrence, depuis l'avènement de la modernité capitaliste, d'un peuple entier qui s'est révolté contre la réduction de la vie commune à une orientation purement économique. Ainsi, la révolution iranienne est un véritable refus de la modernité occidentale. Pour qu'on apprécie suffisamment ce point, je voudrais faire un certain nombre de remarques sur la révolution russe et la révolution culturelle chinoise. Les deux révolutions russes et chinoises, culturelles chinoises au XXe siècle, avaient trois objectifs. Première, essayer de dépasser la capacité productrice des pays capitalistes en allant jusqu'à devenir économiquement plus fort que ces dernières. Deuxième, redistribuer plus justement les fruits de cette amélioration de la capacité productrice. Troisième, dans l'idéal, arriver à abolir l'État socialiste, établi arriver à abolir l'État socialiste, établir pour permettre une gestion plus collective et moins centralisée de ses organes productifs en amont. On voit que dans les deux cas, c'est au plus le caractère privé de la propriété qui est problématisé dans le capitalisme. Et essentiellement, le fait que cette propriété privée empêche d'une part la capacité productrice d'augmenter et d'autre part une répartition plus égalitaire des fruits de cette capacité productrice. Le fait que dans la modernité capitaliste, le rapport entre l'homme et l'objet soit élevé au rang du centre absolu de la vie politique n'est nullement problématisé. Ceci étant, et du moins sur le plan économique, les deux révolutions ont été en fait des réussites assez flagrantes. Dans le cadre de la Russie, si on regarde la performance économique du pays entre 1928 et le milieu des années 60, on a affaire à une des croissances économiques les plus spectaculaires de l'histoire de l'humanité. C'est un fait qui est même accepté par les adversaires du régime soviétique. Par exemple, je lisais un article publié dans les années 60 dans Foreign Affairs. Vous voyez, en fait, une revue extrêmement à droite américaine où ils avaient envoyé quelqu'un en Russie, pour, en fait en cachette, pour qu'il observe la situation. Après, il publie un article et tout en condamnant la répression politique du régime soviétique, il avoue qu'au niveau économique, l'expérience soviétique constituait une sorte de miracle. Vous voyez, en fait, la croissance économique de la Russie entre 28 et des années 60, c'est au moins 10% par an. Vous voyez, ça veut dire à peu près pendant plus de 30 ans. En fait, là, on parle du miracle chinois, mais pendant 30 ans, c'était 7-6% si on prend le moyen. Alors que dans le cas de la Russie, c'était au moins 10% pendant presque 40 ans. Par exemple, là, j'ai un objet. En fait, j'ai une table publiée par le CIA américain. Vous ne pourriez pas le voir, mais que même dans l'année 89, vous verrez que l'écart économique entre l'Union soviétique et les États-Unis n'est pas très fort. Et du coup, en jetant un coup d'œil au tableau au-dessous, il est facile de voir que même en 1989, alors même que l'Union soviétique était en crise depuis des années, l'écart entre les deux pays n'était pas si important que cela, surtout si on prend en compte la différence entre le niveau économique des deux pays au début du siècle. Quant au cas chinois, on assiste aujourd'hui au fait que la révolution chinoise a donné lieu, bien que tardivement, à une économie brutalement puissante, de sorte que la Chine va devenir, d'ici 2030, l'économie la plus importante du monde quant à sa taille. Et elle l'est déjà si on prend en compte la taille de son économie en fonction de la parité de pouvoir d'achat. En fonction de parité, si on prend en compte la parité de pouvoir d'achat, la Chine est déjà l'économie la plus importante du monde. Du coup, là pour être un peu critique à l'égard de Badiou, quand Badiou dit que la révolution culturelle chinoise a été l'événement politique le plus important de ces dernières décennies, il me semble qu'on peut dire, ironiquement, qu'elle a certes été très importante, mais plutôt pour l'avancée du capitalisme. Autrement dit, même si je suis totalement d'accord avec Badiou pour dire que la question de la forme de l'organisation est la question la plus importante de la politique juste, et qu'une organisation communiste doit prendre la distance par rapport à l'État, je trouve quand même qu'une organisation communiste doit pouvoir influencer l'État et ce qui se passe au niveau étatique, certes indirectement, sans y participer. Qu'est-ce qu'ont fait les organisations politiques en Chine? Comment ça fait qu'ils n'ont rien fait? Non seulement ils n'ont rien fait, mais que la Chine est devenue le premier pays capitaliste après la révolution culturelle chinoise. De surcroît, la question de la forme d'organisation est surtout importante pour permettre aux membres d'une telle organisation de dépasser communément les idées les plus dominantes. Or, il me semble que les révolutionnaires chinois n'ont jamais, y compris durant la révolution culturelle chinoise, mis en cause l'aspect productiviste de la modernité. Même dans le livre sur la commune de Shanghai dont je vous ai parlé, l'auteur, pour montrer à quel point la révolution culturelle a été un succès, passe beaucoup de temps à montrer que la productivité des usines s'est élevée durant la révolution culturelle. Il devient ainsi clair de comprendre pourquoi la révolution culturelle chinoise n'a pas su produire une nouvelle forme d'organisation, Et pourquoi elle a donné lieu à une Chine où le rapport homme-objet est plus que jamais l'idée régulatrice de la vie commune, bien que cette dernière soit ordonnée pour moitié par l'accès aux objets de manière privée, pour moitié par l'accès aux objets en fonction de la position dans l'appareil d'État. Je parle de la Chine actuelle. Quant à la révolution iranienne, le fait est qu'au niveau économique, cette révolution a créé un Iran qui a peu de points en commun avec l'Iran d'avant la révolution. C'est un fait aujourd'hui attesté par beaucoup de gens, comme je l'ai dit, y compris par ceux qui ont souvent des positions très importantes dans l'appareil d'État. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui, on arrive aujourd'hui à atteindre des objectifs économiques auxquels qu'on aurait atteint, genre, 2-3 années après la révolution, vous voyez, on arrive là, 40 ans après, les objectifs qui auraient pu être réalisés si la révolution n'avait pas eu lieu. En fait, c'est ça la réalité de l'Iran. Mais dépasser et s'émanciper de l'économisme moderne était l'objectif principal de cette révolution. Néanmoins, et très malheureusement, en l'absence d'une force communiste organisée, capable de faire comprendre au peuple que certes, il faut se libérer de l'emprise de l'homme-objet, mais pour ce faire, il faut créer de nouveaux rapports homme-homme et les mettre au centre de la vie politique. Et en absence d'une force de gauche qui aurait dit une telle chose que il faut s'émanciper de l'homme-objet pour mettre l'homme-l'homme au centre de la politique, ce sont les islamistes qui ont fait comme si la seule voie d'émancipation du rapport sujet-objet était de privilégier à nouveau le rapport entre sujet et Dieu et de mettre celui-ci au centre de la politique. C'est ainsi que l'Iran post-révolutionnaire, même s'il constitue la tentative la plus sérieuse pour dépasser la modernité, n'a pas su faire émerger une politique véritablement nouvelle centrée sur les rapports sujet-sujet. Le fait est que le rapport homme-dieu, en mettant un objet transcendant et la vie supraterrestre associée à cet objet au centre de la politique, a fait que les islamistes n'ont même pas su garantir d'une manière satisfaisante la part de la vie politique qui est véritablement économique, c'est-à-dire les besoins dits naturels, et qui est lié au rapport sujet-objet, besoin naturel. C'est dans une large mesure l'exportation des ressources naturelles qui a permis aux islamistes de continuer à parler du rapport sujet-dieu sans échouer absolument à garantir les besoins économiques naturels de tout le monde. Le fait est que l'idéologie capitaliste est apparue dans l'histoire largement en réaction aux impasses créées par l'idéologie religieuse. C'est pourquoi beaucoup de gens en Iran pensent aujourd'hui que la révolution de 1979 est une grave erreur et qu'il faudrait retourner à un régime où le rapport sujet-objet redeviendra l'alpha et l'oméga de la vie politique. Cette attitude est surtout compréhensible étant donné que le rapport sujet-dieu dont parlent les islamistes est conjugué avec le contrôle du pétrole et des autres ressources naturelles de l'Iran. Et ce n'est pas juste le rapport entre les gens qui est ordonné dans un état religieux en fonction de l'accès à Dieu, mais c'est également l'accès aux ressources naturelles qui est ordonné de la même manière en fonction de ce même accès. Celui qui a plus d'accès à Dieu aura également plus d'accès aux ressources naturelles. Et c'est pourquoi, même si après la révolution, les inégalités économiques se sont réduites, durant les 25 dernières années, elles se sont maintenues à un niveau très élevé. Le but principal de la révolution iranienne, qui constituait à vouloir s'émanciper de l'emprise du rapport privilégié entre sujet et l'objet dans la modernité capitaliste, reste cependant toujours valable, même plus qu'avant, surtout au vu des crises naturelles qui menacent aujourd'hui la vie sur Terre. Le fait est que les révolutionnaires iraniens en 1979 voulaient s'émanciper de cet économisme indépendamment de toute considération climatique et environnementale. La leçon principale de la révolution iranienne est que, pour Pour s'émanciper du rapport sujet-objet, il faut arriver à créer de nouveaux rapports sujet-sujet. Le fait est que dans les pays capitalistes dits avancés, avancés en ceci que la plupart de leurs habitants croient absolument en l'idéologie capitaliste, en ce sens-là, ce sont les pays en effet avancés dans le capitalisme. Le fait est que dans les pays capitalistes dits avancés, ceux qui problématisent la nature productiviste de ces pays le font à partir d'une perspective écologiste. Ce qui fait qu'ils veulent remplacer le rapport privilégié entre les sujets et les objets industriels et techniquement avancés, tel qu'il est dans le capitalisme, par un rapport privilégiant le rapport entre les sujets et les objets primitifs ou dits naturels, voire la nature. Vous voyez, ça veut dire que le discours écologique européen, vous voyez, c'est tellement accepté comme naturel, cette idéologie de l'homme-l'objet, que même quand ils pensent dépasser cette idéologie, ils remettent toujours un objet, ça veut dire que c'est toujours l'homme-objet. C'est juste que dans le cas du capitalisme, ce sont les objets avancés, dans le cas de l'écologisme, ce sont les objets primitifs. Les arbres, je ne sais pas la rivière, et ainsi de suite. Ou la nature parfaitement. La révolution iranienne nous apprend que pour véritablement aller au-delà du capitalisme, il ne suffit pas de remplacer le pôle de l'objet dans le rapport sujet-objet par un objet transcendant, dio, ou par un objet naturel, et qu'il faut chercher l'émancipation ailleurs, indépendamment de cette voie sujet-objet. Merci. Oui. Merci Sina, c'était vraiment hyper intéressant. Ouais. Du coup, on passe à une discussion, donc s'il y a des gens qui ont des questions, allez-y. Alors, merci beaucoup Sina, et en plus ça prolongeait les discussions qu'on a eues ensemble sur la question iranienne, et je comprends beaucoup mieux ta position et qui est vraiment passionnante et pertinente. Bon, il y a vraiment un premier aspect donc, sur lequel tu as mis l'accent et qui me semble fondamental, c'est la non-critique du productivisme dans une partie du marxisme, notamment par rapport à la révolution russe et la révolution chinoise. Et ça, c'est aussi quelque chose qui a été critiqué au sein de la pensée marxiste, c'est notamment quelque chose qui est chez Debord, tu sais. Dans Société du spectacle, il rappelle à quel point le stalinisme a été l'un des moments de plus grande accumulation primitive de l'histoire et que même on ne comprend rien au stalinisme si on ne le pense pas comme production d'un capital primitif post-révolutionnaire. Et de même, je ne sais pas si tu connais ce travail, mais dans Chine trois fois muette de Jean-François Billetter, qui lui-même aussi est marqué par les situs, il montre à quel point la GRCP et le post-GRCP, quoi, les conséquences de la révolution culturelle, a été en fait l'autoroute qui a permis la capitalisation, le devenir capitaliste de la Chine. Comme si voilà, la contre-révolution après 17 et la contre-révolution chinoise sont des boulevards pour un devenir capitaliste et qui est rarement pensé, et avoir mis l'accent sur ça, je trouve ça vraiment fondamental de ta part. La question que j'aurais sur le rapport de la propriété dans la révolution iranienne, de l'absence de propriété, c'est que ce que tu dis dans le rapport objet-objet, sujet-objet, voire sujet-sujet, etc., ça, je peux l'entendre et que les révolutions précédentes ne l'avaient peut-être pas assez mis en avant, etc. Mais concrètement, ce qui a permis la victoire d'abord de Roménie par rapport à ses opposants, puis après de Roménie pendant la guerre Iran-Irak, c'est aussi des rapports économiques, en ce sens que c'est vraiment la guerre Iran-Irak qui donne le pouvoir à Roménie. Avant, c'est un pouvoir beaucoup plus pluriel, les opposants ne sont pas encore en prison, etc. Ils vont le devenir petit à petit au fil de la répression pendant la guerre Iran-Irak, et le soutien par exemple de la bourgeoisie du bazar est très important, et pas seulement des chômeurs, tu vois, dans la victoire de Roménie, qui dès le début va avoir cette aide économique là et puis encore plus important dans la guerre Iran-Irak, le soutien au bout d'un moment des occidentaux vis-à-vis de l'Iran, alors qu'au début ils soutenaient évidemment Saddam Hussein, et clairement le pacte qu'il va y avoir entre le parti républicain américain et Roménie, qui va passer par le l'échange d'armes et l'Iran Gate, où le Parti républicain va aider à armer les Iraniens pour battre Saddam Hussein, ou au moins pour ne pas tomber face à Saddam Hussein, me semble complètement fondamental. Et ce sont des rapports de propriété économique, et qui seraient impossibles si, en gros, l'Iran n'avait pas cette propriété du pétrole, tu vois. Et moi, j'ai l'impression, et c'est là où le lien avec l'URSS est fondamental, c'est que finalement, la victoire de Roumanie, est-ce que c'est pas aussi le moment où les puissances occidentales ont décidé de faire un containment, tu sais, contre l'Iran, comme il avait fait un containment contre l'URSS? C'est-à-dire, au lieu de détruire l'Iran et préférer finalement détruire l'Irak, ce qu'ils vont faire pendant 20 ans, décider de, donc, on va d'abord l'entourer, le limiter, limiter sa puissance, et comme ils ont fait avec l'Union soviétique, jusqu'à ce que l'Union soviétique s'effondre après la perestroïka. Comment tu intègres ces faits de propriété dans ton analyse générale? Oui, merci. En fait, non, mais je trouve totalement pertinente tes remarques. En fait, sur la question de la guerre l'Iran-l'Irak, tu as parfaitement raison. Je pense que la raison principale pour laquelle, après la guerre, malgré tout, l'Iran et l'Irak, même avant l'invasion américaine contre l'Irak en 2003, en fait, les deux pays avaient déjà commencé de s'entendre parce qu'ils avaient l'impression que chacun avait été utilisé contre l'autre. Ça veut dire qu'au fond, en effet, ils avaient utilisé d'abord Saddam pour affaiblir l'Iran, mais qu'entre-temps, en effet, de temps en temps, ils aidaient l'Iran pour être sûr que Saddam n'arrivera pas à gagner la guerre vite pour devenir une puissance régionale extrêmement problématique. Ça, c'est certainement sûr. Mais en fait, sur la question de la propriétaire, encore une fois, je pense que, disons par exemple, avant le capitalisme, la propriété existait, on est d'accord, mais il y a, je pense qu'il y a quand même, au-delà de cette question de la propriété, une autre chose que j'essayais d'accentuer qui devrait l'accompagner pour qu'on puisse vraiment faire une analyse centrée sur la propriété privée. Par exemple, j'entends ce que tu dis sur le soutien financier du bazar des marchands traditionnels à Khomeini, mais on ne semble vraiment pas que ça soit essentiel, à vrai dire. Par exemple, si tu vois dans ce sens-là, je peux dire que par exemple, le fait que Radio BBC britannique permettait à Khomeini de déclarer ses énoncés et tout sur cette radio, selon moi, ça a probablement joué un rôle bien plus significatif. Et dans ce sens-là, tu vois, il faut dire que, par exemple, c'était quand même les Britanniques qui voulaient que Khomeini prenne le pouvoir en Iran. Ce qui est par ailleurs dit, très souvent dit par beaucoup de gens qui ont un peu des pensées complotistes et ainsi de suite. Mais par ailleurs, j'ai essayé quand même de dire qu'en effet, voilà, il y a des rapports de propriétaires et que je pense que finalement, ce n'est pas avec l'homme Dieu que tu arriverais à surmonter la question de la propriété, justement. Mais il faut savoir que même dans l'Iran d'aujourd'hui, le guide suprême n'est pas le guide suprême parce qu'il est la personne la plus riche. Il est la personne la plus riche parce qu'il est le guide suprême. Tu vois la différence? Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'en effet, par exemple, le guide suprême iranien, c'est la personne la plus riche également de l'Iran, vu qu'il contrôle énormément d'organes économiques. Mais justement parce que dans ce régime, vu les ressources naturelles de l'Iran, ils disent que voilà, l'accès privilégié à Dieu donne également accès au contrôle des ressources naturelles. Et du coup, vous, il est censé être celui qui a l'accès privilégié à Dieu, il contrôle également ses organes. Mais que je pense qu'avec cette idéologie, s'il n'avait pas les ressources naturelles, honnêtement, me semble-t-il que les choses, en fait, ils se seraient heurtés à leurs limites beaucoup plus tôt. Par exemple, dans le cas de l'Égypte, pour vous dire un exemple très facilement, moi, j'étais plutôt favorable au fait que les frères musulmans prennent le pouvoir. Pourquoi? Parce que je pense que même s'ils menaient une politique très proche de celle des islamistes en Iran, vu que l'Égypte est un pays très pauvre au niveau des ressources naturelles, ils auraient été obligés très très rapidement de faire face au fait que voilà, avec homme Dio, tu ne peux même pas nourrir, tu ne peux même pas satisfaire les besoins vraiment économiques, les besoins dits naturels, tu vois. Du coup, je ne sais pas si j'ai répondu à vous dire, mais j'essaie juste. Voilà. Ouais. Mais merci. Mais en effet, par ailleurs, tu sais des choses que je ne connais pas. Je ne connais pas forcément tout ce que tu connais quand, par rapport à l'Iran. Ouais, c'est vrai. Pardon. Merci pour ton exposé, qui est vraiment coupé en deux parties. Hein. Donc j'ai une question sur la première partie et deux réserves sur la seconde. Je commence peut-être par les réserves, puis après j'arrive à la question. Tu as quand même une vision du marxiste, si tu veux, qui sous-estime la dimension politique du marxisme. Voilà. Alors je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais enfin, disons quand même, il est clair que l'orientation productiviste était précisément, je ne dis pas qu'elle n'était pas à l'intérieur de Marx, etc. Bon, c'est un peu compliqué, et puis quel Marx, on ne va pas... Mais enfin, était quand même finalement l'orientation contre-révolutionnaire dans le marxisme, si tu veux. Donc tu ne peux pas faire du marxisme une orientation productiviste, ça je pense ça n'a quand même vraiment... ça n'a aucun sens, quand même aucun sens. Et la politique, c'est quand même fondamentalement, y compris dans le marxisme, même si c'est compliqué et c'est par étapes, c'est quand même essentiellement des rapports des hommes entre les hommes. Bon. Donc ça, ça c'est tout un volet où je crois que c'est pas tenable. Il faut quand même rappeler les exemples que tu donnes, on pense aussi absolument intenable, parce que le stalinisme c'est la défaite du léninisme, donc tu peux dire le stalinisme c'est précisément la défaite de la politique de la révolution d'octobre. Et par ailleurs, ce que tu décris après la révolution culturelle, tu fais comme s'il n'y avait pas eu un échec de la révolution culturelle. Donc ce qui a suivi n'est évidemment pas une conséquence de la révolution culturelle, ou plutôt une conséquence de son échec. Donc on ne peut pas, sinon on n'y comprend absolument plus rien. Enfin, bon. Donc le productivisme, je ne crois pas du tout que ça soit l'essence du marxisme. L'essence du marxisme, c'est d'être une politique. Alors évidemment, elle est confrontée. Bon. Ça, c'est une première limitation, disons, du côté de l'histoire politique du marxisme. Il y en a une deuxième limitation qui est du côté alors plus philosophique, sujet-objet. Je pense que là, tu confonds quand même objet et marchandise. C'est-à-dire que dans la question du marxisme, l'objet, qui pose problème, celui à propos de qui il y a fétichisme, c'est la marchandise. Ce n'est pas l'objet en général, ce n'est pas l'objet en tant que ce qui ferait face à un sujet, ça n'a pas de sens. Et donc c'est la marchandise. Dans le marxisme, les rapports de production sont fondamentalement non pas des rapports des hommes aux objets, mais des rapports des hommes entre les hommes. Donc si tu veux, ce que tu esquisses, tu vois, comme sujet-sujet ou sujet-objet, à mon avis, n'attrape pas la question ta question concernant le marxisme, qui concerne soit la marchandise, soit les rapports de production, encore une fois, comme des rapports entre les hommes. Dans le Capital, c'est très clair, mais dans le stalinisme aussi, dans le maoïsme. Ça, c'était les réserves sur ta seconde partie, si tu veux. Sur la première, alors là, c'est très intéressant, et là, c'est une question, je te l'avais indiqué avant, mais sur... j'aimerais savoir ce que tu penses de Foucault, ce que dit Foucault de la révolution iranienne. Parce que Foucault a une thèse, a une réponse assez simple à ta thèse, qui est pourquoi il y a eu la révolution iranienne. Si je simplifie, c'est qu'il n'y a pas eu de révolution pour lui. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en Iran ne peut pas s'appeler révolution exactement et doit s'appeler soulèvement. Bon. Alors ça, c'est des choses qu'on trouve explicitement dans les textes de Foucault de 78. C'était même préparé, d'ailleurs, la question du soulèvement dans ses cours au Collège de France vers 75-76. Mais disons, ça prend une forme particulière. Elle nous intéresse directement aujourd'hui parce qu'on voit bien quand même qu'il y a une tendance... idéologico-politique aujourd'hui à liquider le signifiant révolution et à mettre en avant le signifiant soulèvement. Pour ceux qui l'ont suivi, il y a eu l'exposition de Jordi Huberman au Grand Palais, etc. Il y a actuellement un travail de Denis Guénoun, Soulever la politique, etc. Enfin bon, l'idée que la révolution ne serait plus désirable et qu'il faudrait la remplacer par les soulèvements. Alors Foucault, lui, pour argumenter ça, justement, il compare la révolution iranienne à la révolution culturelle, et en gros, il dit qu'on ne trouve pas dans ce qui s'est passé en Iran, en 78-79, les luttes internes, aussi bien à l'intérieur de la population que dans les partis, qu'il y avait dans la révolution culturelle. Et d'une certaine façon, les luttes internes n'ont pas caractérisé là je tire un petit peu, hein, enfin ce que dit Foucault, mais non pas caractérisé négativement, critique de l'impérialisme ou critique du capitalisme, mais affirmativement. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut construire, voilà. Et il disait en gros, on ne retrouve pas dans ce qui s'est passé en Iran en 78-79, là dans les textes de Foucault, ça s'arrête précisément à mars-avril 79, hein, c'est pas après. On ne retrouve pas cette effervescence révolutionnaire qu'il y avait dans la révolution culturelle, et encore une fois, qui était portée sur quels sont les objectifs affirmatifs, et non pas en termes de critique, puisque toute la révolution culturelle portait sur ce point-là. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce que c'est que l'affirmation post-révolution, enfin, bon, et donc, lui, il disait, il s'agit d'un soulèvement. Et alors, finalement, un soulèvement, d'une façon, on voit bien que c'est en un certain sens dans la problématique de Foucault. Pardon, juste une question, par exemple, mais 68, du coup, c'est quoi ? C'est un soulèvement ou la révolution ? Foucault ? Non, dans cette vision, oui. Ça serait... Attends, là, si je te parle de la vision de Foucault, hein, je ne te parle pas de la mienne. Non, mais je veux juste comprendre, par exemple, la révolution française originale, ça serait. Ah, ben si, la révolution française, pour Foucault, c'est une révolution, ça, il n'y a pas de problème. Non, mais non. Je ne vois pas, en fait, ces critères, à vrai dire. Non, mais je vais essayer de t'en dire. C'est pour ça que je voudrais savoir. Tu connais pas, donc. Bon, alors, c'est peut-être pas la peine. Tu n'as pas regardé ce que dit Foucault là-dessus parce que... Non, mais je lis plutôt les choses qu'il disait sur la spiritualité politique et les choses de ce type. Je n'ai pas lu tout ce qu'il a dit. D'accord. Dire. Bon, bah, enfin, voilà. Alors, on va peut-être regarder et puis on pourra en parler. Mais disons, là, il a une prise de position très claire et qui, évidemment, pour nous, est intéressante. Enfin, pour nous d'aujourd'hui, en tous les cas, pour moi, pardonne-moi. C'est qu'il y a l'idée que, finalement, depuis la révolution culturelle et son échec, le signifiant révolution lui-même serait rendu difficile, si tu veux, enfin, d'une moins grande clarté avant, et lui, il ne le retrouve pas dans la révolution iranienne, c'est l'argument de Foucault, et donc il dit qu'il faut y avoir des soulèvements, mais des soulèvements, d'une façon, c'est un soulèvement sans idée, si tu veux, en un certain sens, sans idée affirmative, c'est un peu ça. Dans la problématique de Foucault. Voilà, c'est là-dessus que j'aurais voulu t'entendre, mais enfin bon, si tu ne le, je pensais que tu connaissais cette orientation-là, non, cette partie-là, je la connais pas vraiment. Qui a quand même une certaine importance parce que elle serait compatible avec ta deuxième. Enfin, à ce moment-là, si tu veux, on dirait, bah oui, justement, c'est un soulèvement sans idée, et d'une façon, c'est ceux qui ont des idées qui, à ce moment-là, peuvent rafler le morceau après. C'est d'ailleurs le pour ceux qui ont vu la. L'exposition de Didi Huberman, c'est clair, hein, parce que pour lui, le soulèvement, c'est quelque chose où tu as les corps qui se soulèvent sans idée, et après, tu en as d'autres qui viennent, qui apportent les idées et les mots dessus. Oui, non, mais en tout cas, sur les premiers points, à vrai dire, je ne saurais pas, parce que ça, en fait, ça devient un débat philosophique, mais je pense que ça devient un peu long, que je pense que. Moi, je retiens juste un point qu'Althusser disait, je pense à juste titre, il disait qu'on réduire. Le stalinisme a quelque chose de genre subjectif, de psychologique chez Staline, c'était une erreur. Et par ailleurs, je reste à un niveau hegelien quand Hegel disait que quand quelque chose ne va pas avec une idée, il ne faut pas juste dire que voilà, c'était à cause de la contingence ou de la méchanceté, je ne sais pas, de celui qui se revendiquait de l'idée, mais qu'il avait quelque chose de problématique dans l'idée elle-même. Parce que si on sépare si nettement quelque chose, disons le bon Marx du déroulement désastreux, par exemple, du marxisme au XXe siècle, après pourquoi pas ne pas faire par le nazisme, pourquoi ne pas faire pour n'importe quelle autre idée, vous voyez, genre dire que n'importe quelle idée, on peut dire que, oh mais non, en fait, son actualisation problématique n'avait rien à voir avec l'idée, nazisme c'était une bonne idée, c'est juste que Hitler était un méchant qui ne mettait pas... Du coup, là, je ne comprends pas. Je pense que moi, pour moi, le stalinisme est lié à beaucoup d'éléments dans la pensée de Marx. Par contre, je suis tout à fait d'accord qu'en Europe, il y a eu des tendances qui ont dépassé ces limites de la pensée de Marx. C'est juste que même, par ailleurs, moi, je me considère quand même toujours marxiste. Je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes chez Marx. C'est juste qu'il ne faut jamais oublier que quand on va insister sur ces points chez Marx, on est toujours en train de lire Marx contre Marx. Il faut dire ça. Il faut dire qu'au moins son lecture de Marx contre Marx. C'est pas juste voilà, que dire que non, Marx n'est que ces bonnes choses. Qui a dit que Marx, par exemple, est productiviste ? Je viens de donner, je peux vous donner 10 000 citations où Marx est brutalement productiviste, si vous voulez. Bref, pour la question sur la révolution iranienne, là, c'est plus complexe. C'est juste que pour le dire sincèrement, me semble-t-il qu'une des raisons pour laquelle cette révolution est un peu échappe aux gens en Europe, c'est que tout simplement c'est une révolution où les gens ne se référaient pas aux penseurs européens, pour te dire la vérité. Ça veut dire qu'en effet, la révolution russe, la révolution chinoise plaisait beaucoup plus aux intellectuels européens parce que finalement ils se référaient justement à Marx, un Allemand, quoi. Alors que dans la révolution iranienne, on a voilà, un peuple qui se révolte et qui a ses propres références. Après, dire que c'est une révolution sans l'idée, ça veut dire c'est certainement pas un soulèvement, franchement. C'est-à-dire que si c'est pas une révolution, pour moi, il y a une révolution, pour, sincèrement, je pense, je ne sais pas. Mais après, je ne connais pas vraiment ce que dit Foucault. Je sais juste que Foucault dit que ça essaie d'une spiritualité politique, qui est par ailleurs pas si loin de ce que je disais vers la fin, hein, cette spiritualité politique, réintroduire l'homme, Dieu, tout ce qu'on veut. Mais il y a juste des choses très rapides. Il y a quand même la gauche qui te présentait de l'Iran qui a joué le jeu, presque, il a perdu, donc, mais quand même, eux, ils faisaient référence aux penseurs européens. Bien sûr, absolument. Donc, il faut mettre déjà ça dans ton schéma, parce que si tu viens d'affirmer une autre chose, donc il faut complexifier avec ça, je pense. Et ça, pour arriver à un deuxième point, qui c'est à la fin des fins, tu avais dit qu'au départ, tu n'allais pas faire ça, mais à la fin, tu as en gros jugé la révolution culturelle chinoise par ses conséquences, un peu ce que François avait dit. Donc si tu fais ça avec la révolution chinoise, tu devrais le faire aussi avec celle iranienne, tu vois. Et ce n'est pas ce que tu as fait. Tu veux dire la question de l'échec? Ouais, des conséquences, parce qu'à la fin des fins, tu as dit que la révolution chinoise culturelle, Badiou, il dit qu'elle apporte une question, et à la fin des fins, tu la juges pas pour la question qu'elle a apportée ou pas. Tu vas juger parce que ses conséquences. Et tu dis que celle de l'Iran, il apporte une autre question, peut-être plus intéressante. Bon, c'est ta thèse. Mais tu ne fais pas ce bilan des conséquences. Donc tu échappes de cette partie qui t'a fait par rapport à la Chine. Donc il n'y a pas des poissons différents là. Et pour complexifier aussi ton analyse sur les révolutions en Chine et sur la Russie, mais là surtout sur la Russie, que je sais un peu plus de ça, mais je pense qu'il faut mettre aussi dans ton schéma de trois points, l'économie, etc., aussi la question de qu'est-ce qui a été imaginé après les révolutions, parce qu'il y a une puissance créative, artistique, surtout en Russie, qui c'est des choses qui on n'a pas fait vraiment, je pense, le bilan jusqu'à présent, en fait. L'autre jour, j'ai vu une présentation d'une fille qui présentait un truc qui a été joué une fois dans une ville au Azerbaïdjan, une symphonie des sirènes. Elle a montré, c'était un truc incroyable qu'on n'a pas vraiment regardé. Donc, je pense que si tu mets ce paramètre, qu'est-ce qui a été imaginé par la suite, par exemple, à la suite de la révolution iranienne? Et là, je pense que ça peut renverser certaines choses parce que il y a ce côté aussi, et là je parle pas des penseurs européens, blablabla, mais internement, dans le peuple de toute l'Union soviétique, qu'est-ce qui a été imaginé, qu'est-ce qui a été imaginé par le peuple de l'Iran, c'était quoi? Ça je pense que c'est important pour une révolution aussi. Comment penser un certain avenir, tout ça? Voilà. Je pense qu'il y a été absent dans ton truc là. Oui, mais juste très rapidement, ça veut dire, moi, je ne sais pas, en tout cas, me semble-t-il que dans ma manière de présenter, je n'essayais pas de présenter la révolution comme un succès. Je pense qu'elle a été absolument un échec, mais qu'elle s'est posée la bonne question. Ça veut dire que c'est une révolution importante, en ceci que la question qu'elle s'est posée, ça veut dire comment s'émanciper de cette emprise de l'homme, l'objet, c'est la question qui nous est pertinente. Et j'essaie juste de dire qu'au moins, son avantage, c'est que vous, le caractère dominant de cet homme-objet dans le monde, disons dans la modernité, le fait est que selon moi, la Chine et la Russie, deux pays qui ont eu l'expérience de la révolution, quand même, les choses se sont passées plutôt bien aux côtés de l'homme-objet. En Chine, peu importe, la révolution culturelle chinoise, disons, c'est un black box, ok? C'est une boîte noire, ok? Quelque chose s'est passé. La Chine aujourd'hui, Ça veut dire que cet événement n'a pas pu empêcher la Chine, tu vois, d'atteindre, comment dirais-je, de suivre notre voie. Alors qu'au moins, dans le cas iranien, on peut dire que, certes, la voie qui a été prise, je la trouve extrêmement mauvaise, absolument mauvaise, voyez, mais qu'au moins, ce n'est pas la voie dominante. Du coup... C'est plutôt ça ce que je voulais dire. Sinon, à vrai dire, je suis tout à fait d'accord. Je suis d'avis que la révolution iranienne a absolument échoué à faire émerger un rapport humain, politique nouveau. Et c'est parce que voilà, le rapport l'homme-dieu est redevenu dominant, quoi, malheureusement. Déjà, je trouve le schéma proposé très convaincant. Notamment sur la question donc de cette révolution qui est due à un refus de la modernité occidentale. Et du coup, ma question, c'est plus une question ouverture qui porte sur l'histoire un peu plus contemporaine. Mais je me demandais, dans le cadre de la révolution tunisienne, on a vu ces mêmes rapports de force, justement, des forces islamistes et des forces de gauche qui ont joué un grand rôle. Comment est-ce qu'on pourrait... Est-ce que tu as des pièces de réflexion dessus, et comment est-ce que tu intègres, si tu en as, ce refus de la modernité occidentale dans le schéma de la révolution tunisienne? Est-ce qu'il y a des parallèles qu'on peut faire là-dessus? Oui, à vrai dire, la seule chose que je puisse dire, c'est que franchement, une des raisons principales pour lesquelles je suis très critique à l'égard des islamistes, disons un peu normal, quoi, genre pas le Daesh et compagnie, dans les autres pays, c'est que justement, ils n'ont jamais fait aucun bilan de ce qu'ont fait les islamistes en Iran. Et ça, je le trouve extrêmement malhonnête. Tu vois, ça veut dire que, par exemple, les islamistes en Tunisie, en Égypte, etc., s'ils veulent remonter une politique religieuse, soit ils devront dire que, selon eux, l'expérience iranienne a bien marché, ok, fine, mais il faut qu'ils le disent honnêtement. Soit il faut qu'ils disent que quoi, tu vois, ça veut dire qu'il faut qu'ils expliquent pourquoi, selon eux, l'expérience iranienne a échoué. Ça veut dire cette islamisation, si tu veux, de la révolution. Et jusqu'ici, je n'ai jamais trouvé vraiment, assez bizarrement, je me suis rendu compte ces derniers temps qu'en réalité, dans la plupart des pays musulmans, y compris les pays sunnites, les groupes islamistes vraiment les plus, si tu veux, intéressants en réalité au niveau politique, ce sont ceux qui se donnent comme guide intellectuel, justement chariati, y compris en Tunisie par exemple. En tout cas, j'ai deux trois amis tunisiens dont deux par exemple sont même totalement contre les islamistes, mais ils disent qu'en effet il y a des côtés des groupes, des organisations islamistes qui suivent chariati, et il essaie justement de penser pourquoi la révolution iranienne a échoué, et ainsi de suite. Mais vous avez vu, en fait, dans une partie de ce que je disais, quand même, la manière dont les islamistes ont pu s'infiltrer et tout, quand même, c'était aussi important de savoir en tel le fait qu'ils s'intéressait beaucoup aux gens dans les quartiers populaires, dans les endroits marginalisés, etc., etc., ce que ne faisait pas la gauche. Oui, absolument, mais malheureusement, dans presque tous les pays arabes, c'est totalement le cas, non ? Oui, mais par exemple, justement, par exemple, Shariati lui-même, quand même, pour réinterpréter l'islam chiite, justement, faisait appel à l'expérience des protestants dans le christianisme. Tu vois, ça veut dire quoi? Non, je pense que la question peut-être portait sur, disons, les groupes éventuellement islamistes qui peut-être pourront offrir quelque chose de pas trop mauvais, quoi, non? Je ne sais pas, mais je pensais dans ce sens. Ah, sinon, s'il s'agit des groupes extrêmement dogmatiques, évidemment, en fait. Ah, ok, oui. je vois, je ne connais pas très bien la situation, mais tout à fait je vois le rapport, oui. Du coup, j'avais une question. Du coup, tu as parlé de... Comment... C'est bizarre d'être au micro, je suis désolé. du coup, tu as évoqué la question... Ouais, vous l'entendez, en fait, là dans le... En fait, à vous dire, la grève, elle a joué un rôle très important parce qu'en réalité, surtout les ouvriers de l'industrie pétrolière, ils se sont mis en grève pendant presque un an en entier. D'abord, grâce à l'organisation, disons, au fond, l'organisation introduite par le Parti communiste, mais plus on va vers la révolution elle-même, plus... la plupart des groupes, y compris les groupes de gauche, acceptent quand même Khomeini comme le leader pour dire après que voilà, on se débarrasse du Shah avec Khomeini. Peu importe, d'autant plus que Khomeini disait des choses avant la révolution, il disait des choses souvent très positives quand même. Ça veut dire qu'après, il a vraiment nié une bonne partie des choses qu'il disait avant. Mais bref, du coup, même le Parti communiste iranien, par exemple, dans une large mesure, avant la révolution, vers la fin, surtout les derniers mois, acceptait Khomeini justement comme le leader de la révolution. Et du coup, par exemple, c'est Khomeini qui leur demandait, qu'il demande des ouvriers de l'industrie pétrolière de se mettre en grève. Et en effet, cela a largement paralysé le régime, d'autant plus que l'économie iranienne, malgré tout ce que je disais, quant à sa capacité productrice et compagnie, restait largement une économie productrice du pétrole et dépendait de l'exportation du pétrole. Du coup, cette grève a joué un rôle absolument essentiel. Absolument essentiel. Justement, en fait, l'influence du Parti communiste dans les ouvriers, chez les ouvriers et les chefs fonctionnaires d'État était très important. Mais quant aux chômeurs, honnêtement, selon tout ce que je connais, en fait, ce sont vraiment majoritairement les islamistes qui les ont gagnés. Je ne sais pas, à vrai dire. Je ne saurais pas te dire. Je te dirais des bêtises si je te réponds. Mais je pense que ce que je pourrais dire, c'est que surtout dans les marges des grandes villes, ainsi que dans les petites villes, ils étaient très nombreux, en fait. Très, très nombreux. Mais par exemple, dans la révolution culturelle chinoise, Mao joue exactement le même rôle. Ça veut dire que les groupes qui n'ont rien à voir là. Mais si. Mais ça veut dire que. Non, mais dans la révolution culturelle chinoise, tu as des groupes qui sont en train de s'entretuer, mais qui revendiquent tous les deux de Mao. Ça, c'est un fait. Mais du coup, c'est. Non, mais justement, franchement, je ne vois pas la différence. Ça veut dire en quoi se rallier derrière une figure. Pour des raisons. C'est-à-dire que toute la révolution culturelle se portait sur qui allait diriger, et que donc ça prenait des noms de personnes Non, attends, en fait, je pense que la singularité également est à trouver un peu lié au personnage, à la personnalité de Khomeini, à vrai dire. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui est très âgé, qui a quand même, qui vraiment dans cette image de quelqu'un de très genre simple, quoi, qui est vraiment très différent, disons, de l'image, je ne sais pas, de quelqu'un désiré ou voulu dans le cadre d'une économie capitaliste, etc. Je pense évidemment, aux côtés de Khomeini, de sa personnalité, il y a des choses à jouer, mais encore une fois, à dire justement, en fait, dire comme ça qu'il n'y avait pas des idées, qu'au enfin, avec ça, je peux dire exactement la même chose pour n'importe quelle autre révolution. Ça, c'est que je dis qu'en fait, je vois pas pourquoi il faut être tellement sceptique à l'égard de cette révolution. Si tu veux, je peux dire que Lénine était un opportuniste et qu'il n'était même pas, il vivait même pas en Russie pendant des années. Il est juste arrivé, il prend le pouvoir. J'en sais pas. En Chine, Mao voulait juste a fait la révolution culturelle. C'était juste parce qu'il avait été marginalisé dans le parti. Il voulait reprendre le pouvoir. La révolution française, j'en sais pas. C'était la révolution des bourgeois. En fait, toi, c'est énorme. Toi, en fait, c'est juste que je vois pas ce scepticisme. Je vois pas d'où il vient. En fait, juste à partir du moment où tu as énormément de gens qui sont dans la roue et qui arrivent quand même à faire basculer un régime extrêmement puissant, dire que c'est un soulèvement et que ce n'est pas une révolution, ça me paraît vraiment un peu étrange quand même. C'est trop subjectif dans ce cas, les critères, tu vois, de dire qu'est-ce que c'est une révolution et qu'est-ce que c'est un soulèvement et ainsi de suite. Non, je comprends, mais non, mais sa thèse, même, je parle de Foucault, à vrai dire. Je veux dire, dans ce cas, ça me paraît pas convaincant ce qu'il dit, à vrai dire. Non, selon ton interprétation. Mais c'est l'année aussi, on est en 79, c'est absolument, c'est difficile, c'est tout pour plus justifier, voilà, la Chine, on sait qu'est-ce qui est devenu, Mao a rencontré Kissinger, en l'Union soviétique, même Badiou, par exemple, dans Théorie du sujet, parle explicitement, dit qu'aujourd'hui, on n'a plus affaire à un seul impérialisme, mais à deux, américains et russes, vous voyez, la Théorie du sujet, écrit à peu près dans la même période, là, ça veut dire que comment le Parti communiste aurait pu vraiment, voyez, en fait, vous, le contexte international, vous, tout ce qui s'était passé dans le cas russe et chinois, comment, c'était très difficile quand même de convaincre les gens qu'il fallait refaire une révolution communiste. Vous voyez ce que je veux dire? C'était, le contexte historique est très particulier. Est-ce qu'on peut... Ouais. Moi, j'ai deux questions. La première, c'est juste pour revenir sur le rôle des États-Unis dans la révolution, parce que, bon, comme tu l'as souligné, les États-Unis jouent un rôle important dans le maintien du Shah au pouvoir. Et me semble-t-il, est-ce que le renversement du Shah n'a pas été aussi le fait d'un retirement des États-Unis de leur soutien au Shah, et en pensant pouvoir contrôler par la suite le pouvoir qui se mettrait en place à la suite du Shah, et en se rendant compte finalement que l'anti-américanisme était si puissant à la fois dans le peuple iranien et chez l'ayatollah, au point où en fait ça leur a complètement échappé en fait ce qui s'est passé en Iran. Donc voilà, je voulais juste, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur ce rôle des États-Unis dans la révolution et ensuite de l'anti-américanisme dans ce qui s'est passé par la suite? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, elle tourne autour de ce que tu disais, autour de l'évolution de l'économie iranienne à la suite de la révolution. Est-ce que cette évolution qu'on a observée, qui était beaucoup moins forte que celle à laquelle on s'attendait, est-ce qu'elle est due uniquement à une politique menée par le nouveau pouvoir en place, ou est-ce que c'est lié à d'autres conjonctures du type la guerre qui s'en est suivie, ou... je ne sais pas, par exemple, des raisons diplomatiques aussi. Je ne sais pas, c'est une question extrêmement ouverte, c'est-à-dire Dans quelle mesure est-ce que la thèse que tu soutiens est corroborée par la réalité économique et par l'histoire économique de l'Iran depuis 1979? Merci. En fait, sur les États-Unis, ça veut dire, maintenant, on sait qu'à l'époque de la Révolution, les États-Unis, ça veut dire l'ambassade des États-Unis à Téhéran, était littéralement en train de négocier avec tous les groupes. Tous les groupes de gauche, tous les groupes islamistes, on a aujourd'hui des documents. Du coup, tu vois, avec du Parti communiste jusqu'à Khomeini lui-même, vous voyez, en fait, il négociait, il était en train de cerner la situation, de savoir justement quoi faire. Du coup, il a étudié la situation. Il y a deux thèses. C'est parce qu'il a une thèse très forte, à dire complotiste, qui consiste à dire qu'en réalité, justement, la révolution iranienne était le travail des Américains. Et qu'en fait, ils pensaient qu'ils se sont dit qu'en réalité, voilà, en fait, si les choses continuent comme ça, le Shah n'est plus capable de contenir la situation. Et que comme ça, les gens de gauche vont prendre le pouvoir. Du coup, faisons de sorte que les islamistes prennent le pouvoir pour justement, après, tu sais, permettre aux islamistes, justement, genre, contenir les gens de gauche. Parce que le fait est que si l'Iran, si les gens de gauche avaient pris le pouvoir, ça aurait pu être vraiment une sorte de renversement très important dans la dynamique de la guerre froide. Vous voyez, l'accès à l'Iran aurait été l'accès au pétrole. Et vous avez vu ce que je dis dans la doctrine de Eisenhower. Du coup, ça, c'est, je pense, quelque chose qu'on ne pourrait jamais exclure, à veut dire. Mais en fait, personnellement, par exemple, moi, je pense qu'on peut aussi dire d'autres choses. C'est que Shah, probablement, aurait pu réprimer les révolutionnaires. Et il ne l'a pas fait aujourd'hui parce qu'on sait qu'il avait un cancer. Vous savez, il est mort juste quelques mois après la révolution. Et qu'il n'a pas voulu les réprimer en un certain sens. Ça veut dire que finalement, la révolution iranienne, vous quand même, le fait que c'était vraiment un régime très puissant, le régime de Shah. Vous voyez, en fait, il faut regarder à quel point, par exemple, les Israéliens, les États arabes de la région et tout, vraiment avaient tué. Par exemple, à un moment donné, en fait, Saddam avait dit un truc sur justement la raison, les conflits territoriaux. Et en fait, Shah sommet dans son hélicoptère et vole dans les frontières irakiennes, voyez, pour lui dire si tu oses, frappe mon hélicoptère, voyez. Et du coup, il transgresse et il lui dit écoute, tu transgresses et après tu vas voir les ramifications. Personnellement, concernant le rôle des États-Unis, je ne sais pas. Moi, je pense que quand on a affaire à un événement avec une telle ampleur, je préfère d'abord d'accentuer les éléments immanents, tu vois. Parce que si on commence vraiment à faire jouer la carte des puissances étrangères et tout, d'autant plus que dans le contexte iranien, voilà, c'est le rôle de ces puissances étrangères est souvent évoqué dans une optique complotiste. Sur la deuxième question, certes, absolument, la guerre et les sanctions, les contrats ont joué un rôle très important, mais aussi, disons, dans le cas de la Russie. Ouais, d'accord. La Russie aussi a vécu la Deuxième Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale, elle a vécu, voilà, c'est la guerre froide et tous les problèmes. Du coup, mais vraiment, par exemple, je vous donne un exemple très simple, par exemple, dans l'Iran contemporain, dès mon enfance jusqu'à aujourd'hui, il disait toujours que l'expertise technique ne compte pas si derrière cette expertise, on n'a pas une sorte de pureté religieuse. Ce qui fait que la majorité des gens qui sont vraiment compétents en Iran aujourd'hui sont aux États-Unis, au Canada, en Australie, quoi. Tu vois, il disait que l'expertise seulement compte si elle est accompagnée avec une pureté religieuse. Et que sans cette pureté religieuse, même si tu es le meilleur mathématicien de l'Iran, le meilleur physicien, le meilleur ingénieur, le meilleur médecin, tu n'as pas de place. C'est vraiment pour ça. Ça veut dire la bonne partie des gens, souvent même éduqués par les universités, devenus gratuites grâce à la révolution elle-même, dès qu'ils finissent leur étude de licence, ils partent ailleurs. Parce que justement, le régime leur dit là, ici, c'est l'homme Dio. D'abord Dio, après le reste. Si vous savez bien remanier les objets, ça ne compte pas si ce n'est pas derrière ça, il n'y a pas une. Acceptez, voilà, l'idée que. D'abord la logique divine, après la logique des objets et tout. Ou je pense les Doha, veut dire. Est-ce qu'on ne peut pas voir, à la suite des analyses d'un Olivier Roy, l'islamisme iranien comme une sorte d'idéologie de substitution face à l'échec des idéologies inspirées des Lumières et des nationalismes à proposer des stratégies de développement pour les pays de la région, et notamment du fait des impérialismes occidentaux? Et si je pose la question, cette question-là, c'est parce que dans les années 70, donc à peu près au même moment qu'il y a cette révolution qui intervient, on voit que l'islamisme prend également de l'importance dans les autres pays de la région, et je pense notamment à l'Égypte. Et derrière cette émergence de l'islamisme, il y a des causes qui sont très matérielles, et notamment l'infita de Sadat et les politiques d'ajustement structurel qui vont être mises en place. À mon sens, on ne peut pas complètement écarter ces considérations matérielles, d'autant plus que, comme vous l'avez souligné, certes, il y avait un développement économique très important, mais les inégalités restaient très fortes. Et la révolution intervient aussi après le faste de l'anniversaire de l'Empire perse. Vous voyez à quoi je fais référence. Et j'ai une deuxième question. Quel est le discours économique et social de la tendance roméniste? Je ne connais pas très bien le cas iranien, mais je sais par exemple que pour le cas libanais, la dimension religieuse du Hezbollah dissimule un discours économique de gauche qui était perceptible chez son ancêtre, le mouvement des hérités. Donc je me demande si ce n'est pas la même chose pour, en Iran. Sur la première question, non, en fait, certainement, il faut prendre tous ces facteurs en considération. Juste au niveau des inégalités, comme je l'ai dit, certes, il y avait des inégalités extrêmement fortes, mais me semble-t-il, c'était partout, genre dans tous les pays, disons, semblables à l'Iran, c'était exactement le cas. D'autant plus qu'à l'époque, ce qui est connu, c'est que, par exemple, ceux qui étudiaient, qui faisaient des études, après, ils trouvaient vraiment plutôt facilement du boulot et ils pouvaient vraiment avancer très vite dans leur vie. Je connais beaucoup de gens dans ma propre famille qui vraiment venaient des milieux extrêmement pauvres, mais qui faisaient des études. Mais après, voilà, arriver à avoir un boulot dans une entreprise publique, privée, ou même faire un truc au même. Du coup, il y avait aussi une mobilité sociale qui est aussi très importante. Du coup, toi, les inégalités, ça suffit pas, parce que l'Inde en est un exemple parfait d'aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, les inégalités invraisemblables, voire le Brésil, mais rien ne se passe. Alors que voilà, on a en même temps les croissances économiques considérables, surtout dans le cas indien, même dans le cas chinois, la même. Ça veut dire que les inégalités sont quand même aujourd'hui très fortes. Mais rien ne se passe. Ça veut dire que les inégalités en soi n'expliquent pas forcément une révolution. Sur le deuxième point. Khomeini, c'est très difficile de cerner sa politique économique, si tu veux, parce que justement, quelqu'un qui dit que l'économie est pour les ânes, après, c'est évident qu'il n'a pas grand-chose à offrir de plus concret. Ce qu'on sait, c'est que, par exemple, à son retour à Téhéran, il a dit très explicitement qu'il allait, que tous les secteurs essentiels d'économie serait offert gratuitement. C'est vraiment une vidéo assez célèbre où il dit, par exemple, l'électricité, l'eau, les choses essentielles, tout gratuit. Évidemment, ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Du coup, ma propre position, c'est que, quant à Khomeini, je ne sais pas, mais me semble-t-il que même si les islamistes ont brutalement réprimé les gens de gauche après la révolution, ils savaient que quand même l'économie, une économie de gauche était extrêmement populaire chez les gens, et que du coup, même s'ils ont brutalement réprimé les gens de gauche, ils ont quand même intégré leur politique économique. Mais Khomeini lui-même, je pense vraiment que c'était sa position, quoi, que genre l'économie, on s'en fiche, quoi. Vraiment, ça veut dire, voilà, c'est pas ça la chose la plus importante. Oui, mais pas tout le temps, en tout cas. C'est que souvent, je ne sais pas, franchement. Oui, mais c'est tout. On s'arrête là. Bon, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à Sina. C'était vraiment, vraiment super. Alors, malheureusement, la semaine prochaine, la séance n'a pas été fixée. On a eu quelques petits problèmes de calendrier. Mais la semaine suivante, on vous tiendra au courant par mail pour ceux qui ont donné leur adresse. Sinon, sur le Facebook, donc Séminaire Conséquences, et sur le site internet séminaire-conséquences.org. Et le 5 avril, on recevra la Horde d'Or pour la présentation de leur bouquin sur le féminisme autonome. Ça promet. Merci à tous.